Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui complète son Pokédex. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Tu crois qu'on t'a pas vu vouloir rajouter des trucs dans chaque titre en ce moment, hein. Bonjour, c'est bon, tout le monde. Voilà, c'est mon truc maintenant. Ouais, non mais on a Alors, vu. Messieurs, avant de commencer, je voulais d'abord nous souhaiter eh bien, un joyeux anniversaire, puisque ça y est, c'est la troisième bougie que nous soufflons avec Fin du Game. voilà, bah, que dire, pas grand chose à dire si ce n'est que bah, voilà, on est très heureux, très fiers du destin de cette émission. Merci à toutes celles et ceux bah, voilà, qui nous suivent, qui nous ont rejoints. Il y a encore des gens qui découvrent Fin du Game mais et voilà, oui, qui se disent oui. Toute la liste des choses. Donc pensez à, écouter. À en parler autour de vous, c'est très important. Vos c'est collègues, vrai. Vos amis, bientôt. Les gens dans le bus à côté de vous qui sont en train voilà. De. Voilà. Vous leur enlevez leurs AirPods et vous les mettez. Vous leur mettez. C'est bientôt Noël, voilà, faut embêter la famille, faut embêter exactement. Cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Tout ce que vous avez à portée de main, tout prenez toute la famille. Mais c'est vrai que par contre, ça fait déjà 3 ans quand même que cette émission, elle rythme un peu nos vies, hein, parce que mine de rien, on savait pas qu'on s'engageait dans cette espèce de tunnel de jeu qu'on, bah, qu'on construit nous-mêmes, mais voilà, qu'on traverse comme ça, et qui vous aussi vous accompagne. On sait voilà, qu'il y en a beaucoup qui suivent un petit peu les jeux de FDG, voilà, c'est un petit peu leur backlog. Donc voilà, merci beaucoup de nous suivre depuis 3 ans. Merci aussi évidemment de nous soutenir sur Patreon. Je rappelle que nous serons en live le jeudi 16 décembre à 18h a priori, eh bien ce sera sur Twitch. Si vous voulez avoir le lien, eh bien on le donnera à la fois sur Twitter, à la fois sur notre Discord. Donc si vous ne voulez pas louper d'abord l'annonce du prochain palier, ça c'est voilà. World premier. Maxime. lourd. L'annonce du prochain palier, aussi faire un petit point eh bien, sur l'année, comment nous avons vécu cette année jeux vidéo 2021. Et puis, on annoncera également la nouvelle blacklist, la blacklist oui. 2.0. Voilà, donc pas mal de petites choses qui seront là le jeudi 16 décembre, sachant que le vendredi 17, il y aura donc le dernier épisode de l'année qui sortira voilà, pour tout le monde. Et je pense que ce live, il sera aussi rediffusé oui, après. Voilà. Le 25 décembre, voilà, dans vos petites chaussettes, hop, le matin pour les gens qui fêtent Noël. Exactement, voilà, vous en aurez marre déjà de votre famille, vous serez là, vas-y, je retourne avec la famille de cœur que j'ai choisie, fin du game. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon et on en profite pour remercier notre sponsor, Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo Pokémon. Voilà, pas que aux jeux vidéo Pokémon, mais aujourd'hui, on a pu lire le livre donc, de Alvin Adaden et Lou Lassina-Foubert sur Pokémon, Génération Pokémon, plus de 20 ans. D'évolution. Il me semble qu'il y avait eu un DLC de ce livre, genre oui, il avait updaté été update, ou un ouais, truc comme ça. Oui, voilà. C'est cette version-là, parce qu'il parle de ouais, Pokémon ouais. Go, donc il y avait eu plusieurs versions. Plusieurs ouais, voilà, il a eu, voilà, comme les Pokémon, hein, il y a des nouvelles versions, voilà, c'est updaté. Ça nous a permis quand même d'obtenir pas mal d'informations sur le contexte. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur tout ça. Et puis, bah, voilà, qui revient sur à la fois des Pokémon, des lieux emblématiques. C'est un gros bouquin. Ouais. Voilà, on tape les 400 pages, hein, ça fait partie de cette catégorie-là. Oui, parce que ça parle de Pokémon quand même dans son entièreté. Ouais. Alors ça ne va pas vraiment se focus sur tout ce qui est spin-off, animé et tout, mais ça en parle quand même, tu vois, donc, parce que c'est important. De parler de tout ça, donc oui, il y a à manger. Ouais, à manger. Si vous êtes un Pokéfan, eh bien, vous pouvez vous jeter là-dessus. Aujourd'hui, donc, Pokémon or et argent, parce que eh bien, c'était ma blacklist, c'était voilà, c'est encore un épisode de la blacklist de l'année dernière. Pourquoi Pokémon or et argent? Bah, tout simplement parce que c'est ma génération préférée. Peut-être que je disséminerai comme ça quelques indices sur le pourquoi du comment c'est ma génération préférée oh, tout au long de cet épisode. Mais voilà, et puis aussi parce que je connais l'émission, et évidemment, on va pouvoir parler de Rouge et Bleu. On va mettre un générique. Alors, évidemment, on pourrait aller piocher dans l'OST du jeu. Alors, moi, je la trouve moins bien que la première. Voilà, je préfère, dans mon cœur, la première version sur la musique, elle est supérieure. Mais de toute façon, vous savez qu'on ne va pas mettre une musique du jeu. Vous savez qu'on se retrouve juste après ça. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, vaguant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble, Pokémon. Alors, Pokémon Or et Argent, c'est sorti le 21 novembre 99 au Japon. Chez nous, c'est sorti le 6 avril 2001. Et oui, quand ça sortait au Japon, nous, on avait juste les premières versions qui débarquaient. C'est sorti sur Game Boy et Game Boy Color. Hein. Ça nous emmène loin. Hein. C'est peut-être la première fois qu'on parle d'un jeu Game Boy, là. On est d'accord, on n'a jamais fait un jeu Game Boy dans cette émission. Non, effectivement, Game Boy, ça, non. Parce que j'allais dire, on a fait plus vieux, tu vois. On a fait Half-Life, Deus Ex, tout ça. Mais Deus Ex, c'est après. Oui, mais Half-Life et Half-Life, c'est dans... Mais oui, parce que du coup, Europe, oui, et oui, mais après Japon, avant la version. Oui. Et à l'époque, il nous faisait des petites blagounes comme ça. C'était développé par Game Freak, évidemment édité par Nintendo. Mais avant de rentrer, je voulais quand même vous partager l'anecdote qui m'a amené à comment j'ai pu acquérir ce jeu. Père Hugo, raconte-nous. Il faut savoir que donc en 2001, j'avais même pas 10 ans et j'étais fou de Pokémon. Tu vois, j'étais vraiment. Mais ne tousse pas, Benoît. C'est juste la vérité. J'étais vraiment fou de Pokémon. Hein. J'étais vraiment tombé à fond dedans. Bleu. J'avais même acheté rouge d'occasion pour refaire le jeu. Enfin, je les ai fait des dizaines de fois. J'avais les cartes, les machins. J'étais complètement obsédé par Pokémon. Et donc, je me souviens, à l'école, j'ai un copain qui me dit « Ça y est, je l'ai, la nouvelle version. » Je lui dis « Avec Aiminus et tout. » Il me dit « Oui, je l'ai. » Et là, je deviens fou. Et le problème, c'est que ma mère, pour lui demander des trucs, c'était pas trop négociable, tu vois. On demandait même pas des choses parce qu'on savait que c'était non. Alors, je manquais de rien, hein, mais voilà, c'était non. Et du coup, je m'étais dit, ma mère, elle travaillait sur les marchés. Du coup, le samedi matin, j'étais tout seul puisqu'elle bossait. Et en fait, je me lève le matin et je commence à faire un maxi dessin, genre « Maman, je t'aime. Est-ce que tu peux m'acheter le jeu Pokémon ?» En dessinant, tu vois, genre des Pokémon. Parce que je dessinais pas trop mal à l'époque. Enfin bref, je dessine un gros truc comme ça. Et en fait, je l'accroche devant la porte pour que quand elle rentre, elle voit, tu vois, le message. Et je me souviens qu'à l'époque, je me suis planqué dans ma chambre, tu vois, je l'ai entendu rentrer. Et tu sais, j'ai attendu qu'elle s'imprègne de la demande. Et du coup, je retourne voir ma mère, je lui dis alors. Ah, excellent. Et du coup, elle m'a dit allez, je t'emmène à Spoutnik, c'était le magasin, donc à Vienne, RPZ, le 38. Et elle m'a emmené acheter mon Pokémon Argent. Voilà, c'était vraiment du bonheur. Je pense pas avoir dans ma vie un moment qui m'a rendu aussi heureux avec le jeu vidéo. Voilà, un grand moment de mon enfance. Et du coup, on va pouvoir enfin revenir un petit peu sur le jeu vidéo avec l'histoire de Game Freak, parce que elle a pas du tout débuté avec Pokémon, Maxime. Et bien non, et du coup, je vais restituer ce que j'ai lu dans le bouquin, hein, tout le contexte, et on va parler donc de Pokémon rouge et bleu, enfin tout le contexte en fait de Game Freak, qui a mené à la création de Pokémon rouge et bleu. Et pour ça, il faut revenir donc sur son créateur, qu'on connaît pas forcément. C'est pas un personnage en fait vraiment public qui prend beaucoup la parole. En fait, il a fait quelques interviews un petit peu à l'époque, donc on en sait un petit peu sur sa vie, mais c'est en fait depuis il est resté très discret en fait. On a tendance à associer, tu vois, Nintendo à Pokémon, mais c'est plus l'histoire d'une personne qui s'appelle donc Satoshi Tajiri. Et qui donc, quand il était enfant, il y a tout le storytelling, hein, évidemment, c'est bien rodé. Quand il était enfant, il collectionnait des insectes, hein, c'était un grand fan d'insectes, et voilà. Et pour l'anecdote, l'étude des insectes s'appelle l'entomologie, voilà, si jamais vous voulez savoir. Et bienvenue dans Fin du Game. C'est dans le bouquin, je me suis dit, oh oui, tiens, c'est un petit terme, je prends comme ça, on le voit pas tous les jours. Moi, j'ai pu apprendre ornithologie, parce que justement, dans les Pokémon, il y avait des ornithologues, il y avait les Pokémon oiseaux, et je me dis, mais pourquoi ornithologue, qu'est-ce que c'est? Et c'est là, on apprenait des choses, monsieur, fou, voilà. Il me regarde depuis tout à l'heure, parce qu'on sent que je vais pas vous allez pas beaucoup m'entendre dans cet épisode. Si vers la fin, je pense, je raconterai mes anecdotes à moi, mais on est ensemble. Oui, je suis avec vous, je suis là. Et donc il observe, il collectionne les insectes, et en plus, bon, évidemment, les insectes, hein, ça passe de larve à adulte, et donc ça connaît des évolutions formidables, peut-être quelque chose qu'on retrouvera. Mais le déclic ne vient pas tout de suite, parce que là, on parle vraiment de quand il est enfant. Et ensuite, il est passionné d'arcade, en fait. Il se met vraiment à jouer aux jeux d'arcade, donc dans les années, donc fin 70, début 80. en 83, donc il a 17-18 ans, et il fait un fanzine. Un fanzine, donc, alors déjà, c'est quoi un fanzine au cas où hein, c'est, en gros, c'est magazine amateur, parfois même gratos. Là, en l'occurrence, il les met en kiosque. Il y a un kiosque en fait, qui accepte les fanzines, et du coup, bah, il peut le mettre dedans, il les imprime lui-même, il écrit lui-même, il les agrafe lui-même, etc. Et il y a des tests donc, de jeux d'arcade, il y a des reviews, c'est la presse jeux vidéo, hein, tout simplement. Et pour l'anecdote, il y a même une petite partie un peu, alors, entre guillemets, fake news, où il vérifie les légendes urbaines qui tournent, parce que c'est l'époque, hein, il n'y a pas internet. Alors j'imagine qu'il y a toujours des légendes urbaines, mais c'était encore plus le cas à l'époque. Et d'ailleurs, il y en a eu plein avec Pokémon, hein, c'est ça qui est marrant aussi. Et il vérifiait en fait justement ces fameuses légendes, genre ah oui, quand t'as tant de points et qu'à tel jeu, machin, il se passe ça. Et en fait, pas du tout. Il vérifie, voilà, il fact-check. Voilà, il fait son petit boulot de journaliste. Et en fait, ça marche très bien. C'est un fanzine qui marche vraiment bien, parce qu'en plus de ça, c'est que ça permet d'économiser de l'argent, parce qu'il y a tous les tips, astuces, il y a des reviews, mais aussi du comment bien jouer à ces jeux d'arcade. Et du coup, bah, en fait, en achetant ce magazine, tu joues mieux et tu économises de l'argent parce que tu gagnes des crédits. Bref, c'est une affaire. C'est un vrai hustler. C'est une bonne affaire pour tout le monde. Hein. Et oui, les constructeurs le détestent. Et donc le magazine cartonne, ça commence à amener des gens, il développe un réseau professionnel aussi, et il s'auto-forme aussi à la programmation, et il développe l'ambition de faire, bah, de faire des jeux vidéo. En fait, il se dit, à force d'écrire dessus, il se dit, il y a quand même moyen de mieux faire, tu vois, dans ce paysage arcado-ludique. Et donc, avec deux acolytes en 86, donc ça fait, je fais un calcul très rapide, il y a 20-21 ans, quoi. Et avec Ken Sugimori, qui est dessinateur, animateur, et Junichi Masuda, qui sont donc, ils écrivent aussi dans le magazine. Le magazine qui s'appelle Game Freak, d'ailleurs. Et ils bossent sur un jeu qui s'appelle Quinty, donc leur premier jeu d'arcade. Voilà, Game Freak devient en fait un studio, ils fondent du coup un studio de jeux vidéo, en fait, hein, tout simplement. Le jeu marche plutôt bien, c'est pas non plus un carton mondial ou quoi, mais suffisamment bien pour que ça s'exporte. Et bah, de là commence, donc, comme dit, hein, le développement de jeux vidéo. Et oui, juste pour préciser, donc, ils étaient quand même pas que trois, ils étaient aidés par d'autres personnes. Nintendo, ils étaient déjà en contact avec Nintendo, une petite boîte, mais bon, c'est principalement ces trois personnes qu'on retient, d'autant plus qu'elles travaillent toujours en fait chez Game Freak aujourd'hui. C'était là depuis le magazine Game Freak, ils sont toujours là en 2021 chez Game Freak, Game Freak jeux vidéo Pokémon. Et donc il développe des jeux vidéo. En 89, il a accès du coup à la doc de la Game Boy. Alors on dira la Game Boy, non, parce que dans le bouquin ils disent le Game Boy, le Game Cube. Ah non, mais ça, non, mais on va. Ici, je ne veux même pas en entendre parler de ces débats-là, monsieur. Désolé aux auteurs, je paraphrase, mais j'apporte ma petite touche personnelle. On n'est pas désolé. Non, attendez, là. Chocolatine. Et donc, voilà, doc de la Game Boy et aussi du câble Link, qui à l'époque était employé surtout de façon compétitive, c'était connu pour Tetris, tu vois, pour pouvoir jouer en un contre un. Et il se dit, ah, c'est dommage, ça peut être un outil plutôt de partage. Et en fait, là, il se met toujours le storytelling à imaginer des petits insectes qui marchent sur le câble comme ça, d'une Game Boy à l'autre. Et il se dit, ah, tiens, il y a un jeu qui vient, mais il n'a pas encore tout à fait vraiment l'idée de Pokémon. C'est là, c'est en train de macérer, voilà, ça gère bien. Doucement comme j'aime ça, bien, mais c'est pas. Ils ont toujours cette capacité, tu vois, les créateurs japonais, à raconter des choses comme ça. Oui, moi j'imaginais des choses et tout. Ouais. Ils te donnent plein de petits détails, plein de petites anecdotes. Ouais. Et du coup, bon, bah, ils développent toujours des jeux, hein, en parallèle, on rappelle. Hein, maintenant, c'est bon, c'est un studio de jeux vidéo, mais ils vont pitcher du coup Capsule Monsters à trois éditeurs, donc Sony, Sega et Nintendo. Seul Nintendo acceptera ce projet, mais Sony et Sega en parallèle leur disent non, mais nous on a des jeux à vous confier, donc ils acceptent, ils mangent à tous les râteliers et ils se retrouvent en fait avec trois projets, donc le projet Capsule Monsters qui n'est même pas vraiment défini, un jeu pour Sony, un jeu pour Sega, donc sur trois plateformes différentes en plus, parce que je crois que c'est première PlayStation, Game Boy et... ça doit être Mega Drive. Donc un peu fatigué, les gars, ils galèrent quand même un petit peu, et parce qu'on le rappelle, hein, c'est donc tout début des années 90, je crois, c'est... En fait, Capsule Monsters est prévu pour 91, d'accord, on le rappelle, il sort en 96 au Japon, c'est ça, donc il mettra en fait 5 ans, mais ils négocient un peu avec Nintendo, où ils finissent par faire un jeu de puzzle, je crois, Mario et Yoshi, voilà, en mode, bon, clairement, le jeu, il sortira pas, c'est mort, on sait même pas vraiment ce que c'est, mais voilà, on vous fait un petit jeu, mais Nintendo dit ok, et il continue quand même de s'accrocher à cette idée, hein, des Capsule Monsters. Et donc le développement avance. Une des choses qui définira quand même le jeu, bah, c'est tout ce manque de mémoire. On le rappelle, hein, c'est développé sur Game Boy début des années 90. On reviendra en détail là-dessus, mais tout ce qui est le nombre de Pokémon, le nombre d'attaques et tout, bon, c'est un jeu qui a quand même des contraintes assez, assez évidentes. Il y a l'anecdote assez connue où c'est Miyamoto, le fameux, qui trouvera l'idée d'avoir le choix entre trois Pokémon au départ, le choix fatidique, hein, vraiment. On s'en souvient tous. Hein, de ce moment, un Benoît, oui, tu t'en souviens, oui, toi, oui, bien sûr. Qui ont choisi Maxime? Moi j'ai pris Erisandre. D'accord, on a joué à Or et Argent, oui, hein, c'est vrai, Erisandre. Et moi en vrai je sais plus, que comme je les ai fait plusieurs vrai gamer de Pokémon les a choisis tous les trois, évidemment. Il a fait les échanges, il a eu les trois à la fin. ça c'était chaud quand même à l'époque, mais oui. C'est aussi lui qui suggère de faire deux versions, donc incomplètes, donc à l'époque rouge et bleu, puisque dans rouge, en fait, il manque, quand on joue à rouge ou à bleu, il manque une dizaine de Pokémon qu'on ne peut pas obtenir à moins de faire un échange avec une personne qui a l'autre version. Donc c'est lui qui a cette idée, donc toujours un peu quand même cette idée de partage, de collection. Ouais. Et puis d'utiliser surtout le câble Link, de lui donner une nouvelle fonctionnalité. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, le câble Link, tout le monde s'en souvient. Pour Pokémon et les échanges de Pokémon. Moi, je me souviens, c'est marrant que tu dises que les insectes qui marchaient sur le câble Link, parce que la pub, c'était littéralement ça. Revois les petits Pokémon, justement, qui marchent sur le câble Link. Ça, je me souviens qu'ils l'avaient formalisé. C'est une bonne image, hein, c'est vrai, ouais, rien, ça marche bien. Et donc, pour rappeler un petit peu aussi la structure, c'est intéressant parce que, comme je l'avais déjà dit, on associe souvent Nintendo à Pokémon, mais c'est quand même Game Freak qui a une certaine indépendance. Il y a, donc même avant que le jeu sorte, il y a un studio qui s'appelle Creatures qui va s'occuper de tout ce qui est produits dérivés et tout, donc les cartes Pokémon, le manga. On a un peu l'impression, quand on ne connaît pas forcément, que c'est quelque chose d'assez propre, spécifique à Pokémon, mais en fait non, c'est complètement la norme de déjà développer des produits dérivés pour un jeu qui va sortir, que ce soit sur Game Boy ou console ou quoi. On prépare le terrain, quoi. Bah, en fait, les Japonais, ça pour le coup, ils ont cette approche vraiment transversale. Transmédia, ils l'ont eu très très tôt, là où nous, ça nous a pris plus de temps en Occident à comprendre l'intérêt de ce truc-là. C'est arrivé d'ailleurs avec Pokémon. Ben, oui et non, parce que bon, il y avait Star Wars, Y avait déjà des trucs comme ça. C'était pour du cinéma, mais pour les jeux vidéo, avec l'idée d'arriver avec vraiment l'espèce de panoplie complète, dessins animés, cartes, projets, machin, jeux de société, gâteaux, enfin tu vois, c'est vraiment, il y a tout, vraiment, tu peux tout, quand tu vas au Japon, c'est assez rigolo, tu vas dans les magasins Pokémon, je m'y suis retrouvé une fois. C'est vrai, t'es allé dans un Pokémon Center? Oui, j'étais avec d'autres gens, alors ils m'ont entraîné là-dedans. J'ai fait le Ghibli Store aussi, du coup, je connaissais un peu plus ce qui s'y passait, et bah ouais, il y a des tonnes de trucs, tu peux vraiment tout acheter, tout existe en version. J'avoue que si un jour je vais au Japon, j'y passerais bien quand même, ne serait-ce que pour les gamins récupérer des trucs. Mais bien sûr, là... bien sûr, pour les enfants. Le micro-ondes à la mèche, c'est pour les enfants. Non mais c'est vrai, parce qu'il y a toutes les putains de peluches, les gars. C'est... Ouais, enfin, ouais. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. J'imagine que si on avait eu ça en France, j'aurais été client. Bref. Et du coup, donc pour rappel, la Game Boy, à la base, elle est sortie en 89. Le jeu devait sortir plutôt vers 91. C'est finalement 96 qui sortira. Donc, fin de vie de la Game Boy. Il y a quand même eu la Game Boy Color qui est sortie, mais le jeu, et ça en fait, ça relance complètement les ventes de la Game Boy qui commençait à diminuer. Donc Pokémon Rouge et Bleu, phénomène au Japon, qui donc s'exporte donc 2 ans plus tard en Amérique du Nord et en 99, donc 3 ans plus tard en Europe. C'est le phénomène qu'on... Ça arrive très vite, en fait, très rapidement. C'est le phénomène qu'on connaît. En France, on parlait de Pokémania, il y a des images d'archives de l'INA. Oui, non, mais c'est trop rigolo, parce que tu sais, tu vois Pujadas ou tu vois les mecs, tu sais, du journal de TF1, qui sont là, alors, les Pokémon, ce nouveau jeu en direct du Japon, les enfants en sont dingues. Ces petites créatures qui s'échangent dans la cour de récré. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand ça arrive, en fait, la machine, elle est déjà vraiment bien prête. C'est-à-dire qu'il y a le dessin animé qui arrive de manière concomitante, il y a les cartes qui arrivent aussi. Enfin, voilà, on sent que là, eux, le rouleau compresseur, il s'est un peu construit au fur et à mesure au Japon. Nous, quand il arrive, c'est OK. On arrive. Et de toute façon, moi, je me souviens. Enfin, c'était. T'imagines une espèce d'Overland, c'est façon StarCraft, t'as le gros Yamato Gun qui arrive. Mais vraiment, tu vois, enfin, moi, je me souviens qu'on se l'est pris dans la tronche et au moment où ça arrive, ça y est, les gens qui faisaient Barbie, G.I. Joe, tout ça, ils se sont dit, mais on n'a rien compris à la vie. Je me souviens même TF1 qui avait fait vraiment le teasing, genre, ça arrive bientôt, les Pokémon, machin, les épisodes, ils arrivent et tout. Et ouais, c'était vraiment la grosse machine ultra bien huilée. Et pour un enfant, voilà, qui avait 9 ans comme moi, 8-9 ans même, puisque c'était en 99, ouais, c'était fou, quoi. Et du coup, bah évidemment, c'était déjà un énorme carton. C'est un énorme carton chez nous aussi. Et du coup, en fait, dès la sortie de Rouge et Bleu en 99, 98, eux, ils embrayent déjà sur le développement. En fait, même après Vert, le premier qui est sorti au Japon, ils embrayent déjà sur la suite, en fait. Oui, c'est ça, parce que donc, le 1, donc, c'était pas rouge et bleu, c'était vert et je sais plus. Vert et rouge. Et rouge. Ouais. Donc, c'est 96 au Japon. Donc, en fait, quand ça arrive chez nous, en fait, bah, ils ont déjà eu le temps. Comme dit, ils ont quand même préparé un peu le rouleau compresseur quand même pour l'export et tout. Et bah, ils sont en train de développer or et argent. Hein. C'est déjà dans les cartons. Ils patinent quand même un peu, ils ont du mal vraiment à développer le truc. C'est Junichi Masuda, donc le musicien qui est co-réalisateur du jeu. Comme on l'a dit, ça sortira donc au Japon en 99 mais chez nous en 2001. Encore une fois, un carton quasi immédiat au Japon. Enfin, j'avais noté les chiffres du bouquin, ceux-là, c'était quand même, voilà, en 6 mois. Au Japon, il y a 6 millions d'or et argent qui sont vendus. Tu dis, ouais, ok. Ouais, oui, à l'époque, parce que même encore aujourd'hui, c'est des chiffres très importants. C'est quand même solide de chez solide. Il y a 20 ans, c'était la folie, quoi. Mmh. Vraiment, en gros, t'imagines les gens faire la queue devant les magasins, etc. Mmh. Quoi. Et, bah, et ça devait être le dernier, en fait, base. Donc j'imagine que c'est Satoshi qui a décidé, qui disait que bon, créativement, voilà, ils avaient peut-être fait un petit peu le tour ou quoi. Et... C'est vraiment drôle, tu vois, genre, ouais, je pense qu'un deuxième et après, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus après, je ne sais pas. Il n'a pas dit ça, mais en tout cas, voilà, c'était pensé quand même pour être les derniers. Et finalement, bah, comme tu le dis, c'est que, en fait, pour moi, c'est intéressant de voir l'argent parce que c'est vraiment, pour moi, il cimente le truc, c'est-à-dire que la boucle est bouclée au moment où il sort, puisque tu as eu. Donc or et argent, t'as déjà eu jaune qui était donc le spin-off de or et argent, de rouge et bleu, t'as eu le film, t'as eu l'animé machin, et là quand or et argent sortent, bah, en fait c'est bon, on a le nouvel opus, et en fait après ça sera que la même chose, c'est-à-dire t'auras toujours le cycle, t'auras un film chaque été, t'auras un film, t'auras le spin-off or et argent, t'auras le nouveau Pokémon. Et c'est bon, on s'arrête plus. Et le signe aussi de ça, c'est que donc en 2000, donc un an après la sortie d'Or et Argent au Japon, il crée Pokémon Company, qui est finalement, il structure un petit peu ce qui se passait déjà, comme je vous l'avais dit, qui était réparti entre trois entreprises, entre Nintendo, Game Freak et Creatures. Là, au-dessus de tout ça, il crée Pokémon Company, qui va gérer tout ça et surtout bah, le marketing et tout ce qui est droit d'utilisation de la licence, parce que comme on l'a dit, c'est devenu un phénomène planétaire, donc en jeux vidéo, en animé, en cartes, en produits dérivés. Enfin, je sais pas combien de personnes travaille dessus, mais c'est quand même du boulot. C'est le truc où l'été, moi je me souviens que, tu vois, mon anecdote perso, c'est que l'été, pendant les vacances, tu vois, quand on allait à la plage, d'un coup, il y avait, tu sais, t'avais les serviettes Johnny Hallyday et les serviettes Pikachu qui étaient juste à côté, et d'un coup, t'avais que ça, les Boys Band, les Spice Girls, les To Be Free, les trucs comme ça. Et, c'est rigolo parce qu'il y a quelques années, quand je suis retourné dans le même camp où je faisais les vacances quand j'étais ado, maintenant c'était Fortnite, tu vois, donc mine de rien, voilà, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Non, mais par contre, ce que j'ai. Je savais pas et que j'ai vu en faisant les recherches sur l'épisode, c'est que Pokémon, en termes de franchise, c'est la franchise qui a généré le plus de chiffre d'affaires ever. C'est-à-dire que c'est au-dessus de Star Wars. Ouais, on a parlé de Star Wars il y a pas longtemps. Pour moi, je disais, ouais, c'est le truc le plus gros. Mais en chiffre d'affaires, Pokémon, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires ever, alors que Star Wars, c'est que 70 milliards. Petit joueur. Voilà. Mais voilà, c'est le truc le plus gros, en fait. Vraiment, si on raisonne comme ça, ouais, il n'y a pas. Et aujourd'hui, Pikachu, voilà, Pikachu, c'est. Bah, qui ne connaît pas Pikachu? Il a eu ses films, il a eu. Enfin, tu vois, Détective Pikachu, il a eu son truc. En fait, Pokémon, ça s'est jamais arrêté. En termes d'actu, tu vois, les jeux, il y en a un tous les ans quasiment que ça, entre les remakes, les nouveaux, il y a tous les spin-offs, Les donjons mystères, tu vois, ça c'est marrant parce que c'est les seuls jeux que je connais un peu de les trucs de Pokémon, parce que c'était une structure plus classique, je pense. Mais oui, donjons mystères, Pokémon Snap, Colosseum, à l'époque, enfin, il y a eu beaucoup d'activités, et comme on a dit, il y a eu des films quasiment tous les ans, l'animé, les cartes, là les cartes ça revient aussi, tu vois, on est à la saison 16 ou 17 je crois de l'animé de Pokémon. Ça, j'en sais rien, enfin, tu vois, longévité à la Simpson, Sacha, il a toujours 11 ans. Toujours pas le meilleur de la sœur. Hein, alors que Star Wars, bon, il y a récemment avec Disney, bon, il y a eu beaucoup plus d'actu, mais c'est quand même. Voilà, il y a eu un petit peu des creux, on va dire, de la vague Star Wars. Alors que Pokémon, t'as l'impression, ça s'arrête jamais. Mais comme tu l'as dit, il y a eu une gestion, en fait, de cette licence vraiment au global qui a été centralisée au début des années 2000, et c'est eux qui gardent la mainmise là-dessus encore aujourd'hui. Donc, ben, mine de rien, ça leur a permis de structurer, de cimenter. Le terme que t'as utilisé, je le trouvais cool, parce que c'est ça. Depuis, bah, voilà, c'est le rouleau compresseur. ouais. C'est Pokémon. Et on l'a déjà évoqué, et on en reparlera aussi, mais Pokémon Go aussi, c'était, c'était la folie, quoi. Très bien. Le jeu, du coup, celui-ci, hein, Or et Argent, c'est à peu près 23 millions de ventes à terme sur ces versions. Alors, je ne sais plus si ça inclut Crystal, qui sera donc le fameux spin-off qui sort un an après, qui est quasiment le même jeu avec quelques petits remix. Et bien sûr, je ne compte pas le remake, donc Heart Gold et Soul Silver, qui sont sortis sur 3DS, ah, il me semble. C'était ceux-là. Mais oui, je l'ai... Non, mais ceux-là, c'était ceux avec le podomètre. Oui, tout à fait, exactement, voilà. Avec la petite en forme de Pokémon. Oui, parce que celui-là, je l'ai vendu, du coup, voilà. Quand je bossais chez Micromania. C'est un des épisodes où d'un coup, tu sais, tu reçois des trucs et tu vois des gens qui font la queue devant ton magasin, alors que d'habitude, c'est des journées désertes. Tu sais, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est non, des gens qui veulent acheter Pokémon. Exactement. Très souvent, c'est l'occasion de parler, mais il y a beaucoup de jeux qui sont associés à des accessoires. On l'a dit, le premier, c'était Cable Link. Là, t'as le podomètre. Et... Mais même avant ça, t'avais eu le truc print de la Game Boy. Tu pouvais print des entrées du Pokédex. Ouais. Donc, ouais, ça souvent, ils ont c'est souvent essayé d'innover. C'est vrai qu'il y avait une fonction, il y avait cette espèce de petite machine qui permettait d'imprimer des images de ta Game Boy. Et il y avait une fonction sur le Pokédex, genre print, pour pouvoir imprimer tes pages de Pokédex. Alors, quelle idée, alors que tu pouvais acheter des guides et des Pokédex en livre, tout simplement. Pourquoi faire ça? Et les scores, hein, qui étaient quand même vachement bien reçus aussi. Hein, j'ai vu qu'à l'époque, alors on n'était pas sur Metacritic, on était sur Game Rankings, mais c'était du 90%. Donc voilà, le jeu est quand même très très bien reçu. Seulement 7 sur Game Cult. Hein, voilà, le site déjà de référence qui taclait, qui met que des 7 d'ailleurs à tous les Pokémon, je crois, qui sortent. Tout ça, ils y jouent tous les ans, mais voilà, c'est toujours 7. Donc voilà, c'est... Alors, on va se plonger maintenant eh bien, dans l'histoire de ces Pokémon et ça va être vraiment fascinant. Comme dans chaque épisode, on incarne donc un enfant qui va eh bien, tout de suite partir à l'aventure. Il quitte le domicile familial. Il habite en général qu'avec sa daronne. Hein. Le père n'est pas là. Je crois que c'est dans la version d'après où on pourra incarner une fille, où on pourra choisir justement entre les genres des enfants. Et on va partir donc à l'aventure. En général, pour la première raison, c'est pour rendre service au professeur local. Dans cette version, c'est le professeur Orm qui nous demande d'enquêter sur les œufs de Pokémon, hein, puisque dès le début, on nous dit d'aller voir chercher un œuf mystère auprès d'un ami qui l'a ramené de je sais pas où. Et puis là, de celui-ci, on croisera aussi donc le fameux professeur Shen, qui était celui de la première version, qui nous dit aussi, tiens, il y a un Pokédex, vas-y, complète-le. Et ce qui nous emmènera sur les routes de Johto, qui est donc la nouvelle région de cet épisode. Et on va aussi donc parcourir toutes les fameuses arènes pour obtenir les 8 badges et qui nous mèneront à la Ligue et qui feront de nous eh bien, le maître Pokémon de la région, le dresseur le plus fort. Voilà, c'est la ça me rappelle un autre jeu qui est sorti en 96. Ah oui, Pokémon Rouge et Bleu. Oui, de toute façon, c'est vraiment la structure là des Pokémon, elle va vraiment quasiment, bon, elle va pas changer en fait, hein, sur les Pokémon vraiment canoniques comme ça, ça va jamais bouger. Il y aura toujours les 8 badges, le conseil des 4, le machin, c'est vraiment la structure basique. Dans celle-ci, il y aura toujours aussi le rival, qui est aussi un des petits gimmicks comme ça. Cette fois-ci, c'est une Kyra aux cheveux rouges, comme ça, long et rouge. Un marginal. Et oui, hein, voilà. non, mais il est vachement plus méchant que celui de la première version. Ah bah, il te met des coups de pied. En plus, il est nul parce que, genre, tu le bats à chaque fois et à chaque fois, il fait genre, t'es une grosse merde. Tu te rends trop nul, mais tu viens de perdre. Oui, à chaque fois. Oui, alors en tant que joueur en ligne, c'est pas un comportement qui me surprend. en fait, ça prédisait toute la toxicité en ligne. Ça. SO, les joueurs de Counter-Strike. Et comme ça, j'en vois, oui, j'en vois souvent. Et il fait, ouais, gros noob. Ben voilà, c'était un joueur. C'est un joueur de LoL, de StarkCraft 2, d'Overwatch, tout ce que tu tout veux. Simplement. Donc voilà qu'on va recroiser. Mais on pouvait tout lui donner un nom, et ça, je trouvais ça rigolo. Oui, moi, je me souviens d'ailleurs que je donnais toujours le nom des gens que j'aimais pas dans mon école. Comme ça, voilà, ça permettait de. Allez, vas-y, relation. Name drop, balance. Non, je ne donnerai pas les gens Cédric et compagnie, certainement pas. Ça rentrait pas, c'était trop long. Non, c'était toi, j'étais obligé de l'appeler JC. On va aussi croiser évidemment la Team Rocket qui est de retour dans cet épisode. Pour nous jouer un mauvais tour. Oui, pour nous jouer un mauvais tour, effectivement, dans le premier épisode. Alors, il y avait tous les. On démantelait la Team Rocket puisqu'on affrontait Giovanni, hein, non tout à fait japonais, qui n'est pas du tout associé à la mafia. Et voilà, on démantelait la Team Rocket, mais en fait, ils sont de retour. Ils veulent essayer de rappeler justement leur chef. On va les croiser dans l'arène avec ils font du deal de queue de ramolo, je sais pas quoi. Ils font une espèce de... C'est vraiment le moment où tu sais, j'ai mes yeux qui s'écarquillaient à chaque fois que je lisais cette histoire de Team Rocket, j'étais là. Mais qu'est-ce que c'est ce jeu? Et voilà, ils vont faire une espèce de prise aussi de la station de radio. Bref, à chaque fois, on va se mettre sur leur route. Là, on va battre à chaque fois un petit admin de la Team Rocket. Hein, voilà, c'est des administrateurs, c'est le rang supérieur. Et puis voilà, jusqu'à la fin, on les brattera. Ils ils ont pas un rôle, contrairement après où les teams vont vraiment avoir un rôle très très important dans le scénario, là ça reste un petit peu anecdotique, ça entremêle le jeu, et voilà, jusqu'à ce qu'on l'ait, je crois qu'il y a aussi une histoire avec eux, ils ont fait des trucs autour du lac, avec le Léviator rouge et tout, ils ont foutu le Dawa avec des ondes radio, machin, bref, on les défonce avec l'aide d'un certain Peter, qui est cet homme, ouais, qui est un Dracolos, qui défonce tout le monde comme ça, et nous le découvrirons, eh bien, juste après, au Conseil des Quatre, puisque c'est lui, le maître, qui nous attend à la fin de la Ligue Pokémon. On arrive à battre tout ça, on devient le maître, et là, on croit que c'est fini. Mais c'est pas fini. Ce n'est que le début. C'est que la moitié du jeu, puisque on nous donne un pass pour monter à bord du... Je sais plus comment s'appelle le bateau. Ça doit être le truc SSS, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, qui nous emmène jusqu'à Carmin-sur-Mer. Et en fait, tout simplement, on revient dans la première région de la première génération, donc Kanto, et on va pouvoir rebattre tous les autres champions d'arène, donc jusqu'à obtenir 16 badges. Et là, c'est fantastique parce qu'on va redécouvrir en fait toute cette zone. 3 ans après, il s'est passé plein de choses. Là, vous ne voyez pas, mais il y a des spots lumineux qui se sont allumés derrière Hugo depuis tout à l'heure, et il y a des petits angelots qui se mettent à chanter et à danser autour de lui. Non, mais c'était rigolo. Voilà, on pouvait retrouver, il y avait Régis, l'ancien rival qui était devenu le champion de Jadiel. Il a remplacé Giovanni. Et puis, surtout, à la fin de toute cette longue traversée de Kanto, une fois qu'on avait vraiment tous les badges, on pouvait monter dans le mont argenté et on pouvait affronter un dresseur comme ça qui était seul au bout de la montagne, tel le personnage là, je sais pas ce que c'est, le tableau là du mec qui est devant c'est pas Rembrandt ou une connerie comme ça là, de quoi tu parles, le mec qui est tout seul devant une étendue de montagne. Oui, je vois, vous connaissez ça, c'est lui qui a peint, c'est lui qui a peint, bref, il est tout seul là. Moi, il je ne nous dit que rien. Tu allais nous dire le, tu vois, le Seigneur des Cendres à la fin de Dark Souls 3 là, qui oui, nous attend. Mais c'est exactement pareil, et donc on l'affronte et on comprend que c'est, alors déjà on voit que c'est dresseur Pokémon Red, c'était le nom de base en fait, par défaut exactement, du dresseur, du héros des premières versions, et il a toute la team, donc avec un Pikachu niveau 80, Dracaufeu, Florizarre, Tortank, un Ronflex, et il me semble, qu'est-ce que j'ai noté, c'est quoi le dernier, et un Loclass évidemment, le dernier Pokémon iconique. Vraiment, il a toute la team finalement du dessin animé, et c'était comme ça que le jeu se terminait vraiment. Voilà, quelle aventure incroyable, c'est ouf, c'est ouf, la belle, c'est ouf. Ah bah c'est ouf, c'est complètement ouf, il faut le dire. Bon, en vrai, voilà, on rigole. C'est vrai que c'est marrant, dans les Pokémon, il n'y avait pas non plus trop ce souffle épique et tout qu'il y avait déjà dans pas mal de JRPG, mais c'est vrai que moi, je me souviens que la surprise d'aller à Kanto après la truc de Johto, c'était vraiment dingue. Et surtout, ça va tellement matrixer la tête, comme on dit, c'est que en fait, à chaque version d'après, je me dirais, est-ce qu'après, à la Ligue, on retourne à une ancienne version, quoi. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que ça a beaucoup marqué les gens, cette génération. C'était cette grosse surprise-là de pouvoir retraverser tout le premier jeu, en fait, tout simplement, dans cette version-là. Et puis d'affronter Red, voilà, c'était... c'était quelque chose, hein. Et puis niveau 80, donc il fallait bien grinder, fallait le dire. Et t'as une anecdote assez connue que j'ai pas fact-checké, ça se trouve d'ailleurs, c'est faux, mais que c'était un gros défi quant à la mémoire, encore une fois, disponible, de rajouter toute cette seconde région, et ce serait Iwata en fait qui aurait débloqué le truc. Satoru Iwata, hein, le regretté. Ça arrivait, il aurait mis ses deux mains, comme ça, il a dit. Patron de Nintendo, écoutez-moi. Qui nous disait qu'il était. Dans son cœur, un développeur. Il était un développeur, mais dans son cœur, il était un gamer. Son cœur, c'était un gamer, ouais. Exactement. Voilà, donc c'est l'histoire de ce Pokémon. Pas grand-chose à dire dessus, mais voilà, un Pokémon. Et surtout, c'était une vraie suite. C'est ça qui était intéressant. Alors qu'après, on sent qu'ils vont plus séparer les épisodes et il va pas trop avoir de connexion. De ce que j'en ai compris, de toute façon, c'est des nouvelles régions à chaque fois. Donc en fait, c'est la même histoire, mais qui se passe ailleurs, quoi. Exactement, c'est toujours la même histoire. Alors, il y a quelques personnages récurrents, notamment le professeur Shen, qu'on retrouve un petit peu ici et là, mais sinon, c'est... Et les 92 000 sœurs qui sont à la pharmacie là. Oui, elles s'appellent. Les sœurs Joël. Ouais, infirmière Joël. Infirmière Joël, effectivement. Et oui, Shen qui est toujours à la recherche d'un stagiaire non rémunéré pour faire son sale boulot. Non, parce que quand même, tu dis, ça commence à un œuf à aller chercher, le Pokédex à remplir. Enfin, vraiment, tu te fais balader par tous les profs du coin. Si on rentre là-dedans, de toute façon, voilà, le gamin qui a 11 ans, il part sur les routes tout seul. Il fait plus de bif que n'importe qui, hein, parce que de la moula, t'en engranges. Hein, tu peux en acheter des trucs. Mais bon, malheureusement, dans ce pays, tu peux acheter que des trucs en rapport au Pokémon. Hein, tu peux acheter que des guérisons, des trucs, mais tu ne peux pas investir dans des NFT, des trucs comme ça, malheureusement, ça ne se fait pas encore. Mais voilà, bon, bref, voilà, l'histoire de Pokémon. En fait, ce qui est amusant, c'est que tout le monde de Pokémon tourne autour des Pokémon, c'est-à-dire que c'est construit dans un univers qui a absolument aucun sens, si ce n'est d'être, d'être fait autour des Pokémon. Toute l'économie est régie par les Pokémon. Et ça, tu vois, c'est un truc qui va être repris dans plein de choses, parce qu'après, du coup, des jeux qui vont utiliser un univers, ou même les mangas, qui vont créer, en fait, un univers qui va tourner que autour d'un aspect, c'est un truc qui a été repris derrière un nombre incalculable de fois. Quoi. Genre les villages ninja, par exemple, d'un voilà, quel est leur rôle économique ? Moi, j'ai envie qu'on comprenne à quoi ça sert. Ils sont cachés, mais ils sont cachés comment ? Hein ? On sait pas, comme, aux yeux de tous, comme ça, des grands trucs, on ne sait pas. Ils sont cachés alors que, tu sais, les positions inconnues sur la carte du monde. Mais oui, les mecs, ils ont un mont Rushmore avec les putains de Hokage et c'est caché. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais l'économie, juste parce que j'y repense, elle est expliquée, tu sais, ils font des contraintes. Oui, mais tu sais, en plus, ils assassinent des gens. Mais ça va de, oui, assassiner des gens à juste, je sais pas, nettoyer les égos, ouais, chercher le chat, machin. Désolé, les gens. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. C'est le Japon, voilà, c'est un épisode japonais, manga, machin. Non, mais je pense que ce qui est intéressant, on va essayer de redescendre et de respirer, c'est qu'il faut pas, en fait. Tu vois, moi, je vois souvent des gens qui essayent d'expliquer ou d'apporter une sorte de rationalité à ces univers-là. Il faut pas, il faut juste les accepter tels qu'ils sont et se dire, bah, ça fonctionne comme ça. Et c'est pas autrement, parce que sinon, bah, évidemment que ça a aucune cohérence. Le jeu est pensé autour de notre personnage, hein. Le jeu, il tourne autour. En fait, c'est toi qui l'as dit quand on faisait la préparation, tu vois, le héros, en fait, le bonhomme qu'on incarne, il a un super pouvoir, il peut marcher. Oui, il peut se déplacer, il sait capturer d'autres Pokémon, parce il sait tous les entraîner, ils bougent pas, ils sont bloqués. Il y en a quand même quelques-uns qui tournent sur eux-mêmes. Hein. C'est vrai qu'il y a des... C'est vrai et qu'il en plus, ça fait un peu genre infiltration, parce que si tu passes au moment où ils regardent dans ta direction, ils t'attaquent, et ils sont là genre, hé, hey, toi, je vais te tabasser. Et tu sais pas pourquoi. Et combat, combat. C'est vrai que les petites intros, à chaque fois, le petit mot pour rentrer est vraiment toujours... Tu sens qu'au moment, tu sais, les traducteurs, ils ont dû se dire, parce que alors, du coup, c'est assez rigolo parce qu'il y a un article de Libé par exemple qui est sorti il y a quelques temps qui explique la traduction, parce que évidemment la localisation de Pokémon c'est un travail incroyable, unique aussi, vraiment hein, de réussir à faire comme ça des jeux de mots, des trucs et tout, et tu te dis mais les dialogues, enfin forcément au bout d'un moment quand tu dis bon bah là c'est le 430e PNJ Osef que tu croises, hey, toi ouais c'est genre allez baston, tu vois c'est au bout d'un moment tu cherches même plus à créer des situations et des fois c'est genre salut, enfin tu vois genre oui, on s'attaque un truc genre oh là là ça mord pas beaucoup aujourd'hui et boum combat, bah, j'ai 6 Magikarp, bah ça mord nickel. Bref, non mais oui, c'est vrai que c'est un univers comme ça qui a tous ses codes et même moi, là, d'y rejouer, en fait, il y a une espèce de tendresse comme ça via toute cette espèce de... T'as l'impression vraiment de rentrer dans un monde un peu particulier, mais voilà, ça a son charme, surtout quand tu l'as fait à l'époque, mais c'est vrai que ça surprend... Parce qu'on l'a peut-être pas trop dit, mais toi, tu voilà, t'avais pas joué au... Non, bah du coup, voilà, moi l'anecdote, c'est que en 80... C'est quoi, 96, ça sort ? Non, ça c'est le premier... Bah, 99, au Japon. Du coup, ouais, en 99, France, voilà, bah, moi j'ai 14 ans, ouais. Et du coup, Pokémon, c'est pour les petits. Ouais, trop cool, trop tu vois, cool moi, pour ouais, Pokémon. Je suis edgy, tu vois, enfin je veux dire j'écoute NoFX tu vois, c'est Final Fantasy. Ouais, voilà, Final Fantasy, tout ça, voilà, évidemment, moi je suis beaucoup trop ailleurs quoi. Non mais c'est vrai que comme il y avait toute cette campagne marketing autour des enfants, moi je comprends carrément que ouais, quand t'es ado 13-14 ans, tu te dis bon, non, ça, en plus c'est surtout que ce délire de collectionniste, tu vois, c'est vraiment un truc de la préadolescence. C'est vraiment un truc qui cible une tranche d'âge plus du tout. Après non, alors c'est mais tu peux arrêter, mais je veux dire évidemment que ça existe toujours, mais c'est que très particulièrement dans le développement de l'enfance, en fait, cet âge-là, tu vois, de 6 à 12, 13 ans environ, t'as vraiment cette passion, vraiment naturelle, où instantanément tu peux te mettre à collectionner des trucs. Et du jour où les gens, les Panini et tout ça, ils ont compris ça, enfin, je veux dire, c'est l'autoroute du bif après quoi. Mais du coup, de toute façon, on va revenir en détail là-dessus, mais le point de départ de tout ça, comme on l'a dit, c'est que l'univers, il est construit autour des Pokémon. Le héros, il a pas de pouvoir, il a pas de destinée, il a pas de. Voilà, c'est juste un gamin, on s'en fout, on peut changer son nom, ça a aucune espèce d'importance. Il parle pas d'ailleurs, hein, c'est un. Ouais, il parle pas, c'est vraiment. Il s'efface pour faire apparaître le menu. Ouais, c'est sympa. Et parce que voilà, c'est les Pokémon, c'est eux les stars qu'on va croiser, que les adversaires ont. Et en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue JRPG, parce que bon, Pokémon, voilà, c'est un peu une variante, il appartient, je pense, on peut dire qu'il appartient à la grande famille des JRPG, mais il est spécifique, une identité. Voilà, il est vraiment spécifique. Il y a une recette unique, en fait qui est assez unique par rapport au JRPG. D'ailleurs, on l'a repensé en faisant l'épisode, mais c'est vrai que le JRPG, nous, en Occident, ça arrive en 97 avec FF7. C'est FF7, hein, vraiment. Et là, c'est juste 2 ans plus tard. Donc, ouais. En fait, pour beaucoup de gens, et je m'inclus là-dedans, mais pour beaucoup de gens, ça a été le premier contact avec ce genre-là. Le tour par tour, ces trucs-là. Bon, quoique ça existait aussi dans les trucs occidentaux, j'imagine. Non, le mais, tour par tour, mais c'était pas tout à fait de la même réglé, chose. Voilà, ouais. Réglé comme ça, je pense. Puis bon, que c'était... Baldur's Gate, enfin, je veux dire, c'était pas non plus un phénomène. Ça a marché, hein, mais on peut pas comparer ça au succès d'un Pokémon, quoi. Et donc, ouais, la formule unique, bah déjà, ouais, c'est Pokémon, donc cette collection. Donc, dans la première version, il y en avait 150, là, il y en a 100 de plus, et qui font que, bah ouais, n'importe qui qu'on va croiser, n'importe quel adversaire qu'on va pouvoir affronter, on sait qu'on va pouvoir l'avoir nous-mêmes si on trouve sa zone de capture ou alors l'événement spécial qui nous permet de l'obtenir. Mais voilà, tous les Pokémon qui existent, on pourra les avoir dans notre équipe, et ça, c'est vrai que ça fait quand même une différence. Ça donne un truc assez fou, en fait, parce que chaque fois que t'en découvres un autre, tu te dis peut-être lui, je peux l'avoir. Bah, fondamentalement, en fait, c'est les armes, tu vois, les Pokémon, ouais. C'est les armes ou les pouvoirs, hein, mais c'est ceux avec quoi on se bat, et comme tu le dis, c'est que c'est les choses qu'on trouve dans l'univers théoriquement. Ouais, je crois que ça arrive jamais qu'en face t'aies un Pokémon, oui, légendaire ou quoi. Non, c'est d'ailleurs que toi qui peux les avoir, les légendaires. Ouais. Ouais. Et ça, en fait, c'est une façon de raconter aussi un univers ou transmettre un univers d'une autre façon que, je sais pas, typiquement des Final Fantasy ou même typiquement dans les jeux, tu vas avoir un boss qui a une identité unique ou une arme unique ou une façon de se battre unique. Là, non, c'est juste que il a été chercher un Pokémon, et c'est un nageur et du coup, il a que des Pokémon haut. Enfin, en fait, l'histoire, elle passe par quel Pokémon tu as et c'est ça qui va témoigner en fait vraiment de toute l'aventure que tu as eue. Comme tu le disais, c'est pas innocent, mais quand tu te bats contre Red, il a les Pokémon de l'anime, ouais, les Pokémon de l'histoire de l'anime. Quand tu te bats contre Peter, il a des dragons et tu dis ah ouais, mais lui en fait, c'est un dresseur dragon qui a un Dracolosse, des mini dragons. Non, mais même tu vois, le premier par exemple, je reviens sur les premières versions, mais quand t'affrontais Pierre et qu'il te sortait un Onyx, tu disais waouh, ouais, c'est quoi ça? Et tu te dis je pourrais l'avoir. Alors il était dur à trouver parce que c'était beaucoup plus tard dans le jeu, mais c'était tous les Pokémon, tu pouvais les avoir. Et ça, je pense que ça faisait partie de la force du truc. Évidemment, on peut mentionner quand même un peu Shin Megami Tensei, qui était une série qui existait déjà à l'époque et dans laquelle on pouvait, alors c'était pas tout à fait de la capture, mais on pouvait, je crois, discuter un peu avec les ennemis et les convaincre de rejoindre notre camp et les utiliser d'ailleurs un petit peu comme invoquer, des pouvoirs. En fait, ouais, voilà, les invoquer, voilà. Les invoquer, et il y a tout un système aussi d'utilisation de faiblesses, etc. Donc ouais. Shin Megami Tensei, c'est une vieille série, hein, ça date des années 80. Ouais. Et le spin-off qui est très connu de Shin Megami Tensei, c'est Persona. Donc voilà, normalement, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Il y a Shin Megami Tensei 5 qui vient tout juste de sortir. Donc voilà, si vous avez envie d'un peu de difficulté et de grind, et que vous avez 400 heures devant servi. Vous. Voilà. Et la différence fondamentale, c'était que les démons que tu captures n'évoluent pas. En fait, ils ne prennent pas non plus d'XP. Donc c'est tes persos qui. C'est qui ton évoluent. Perso, voilà. Voilà. Mm-hmm. Il faut en capturer des nouveaux si tu en veux. Ça, c'est apparu avec Persona, justement, le côté évolution, fusion, etc. Exactement. C'est des choses qui sont apparues avec Persona. Alors que là, comme tu le dis, les Pokémon ont aussi cette spécificité de chacun gagner en puissance et de pouvoir évoluer. Mm. Ça aussi, c'était. Bon, voilà. Je pense que la première fois quand je vois un Pokémon évoluer, je savais pas, en fait, je comprenais pas ce qui se passe. Et tu vois ton Salamèche qui devient Reptincelle, tu fais mais waouh, ça veut dire que tous les autres, ils peuvent peut-être potentiellement arriver. Mais c'est complètement incroyable. Ouais. Et ça aussi, ça faisait partie de la recette de constituer ton équipe et de la faire monter en puissance. Et ils sont liés à une zone, en fait. Les Pokémon, ils se trouvent pas partout. Alors, il y en a qui sont très, très communs. Mais typiquement, comme on l'a dit, c'est que si tu vois un Pokémon que tu as envie d'avoir, le fameux Onyx, tu vas où? Tu vas plutôt dans les cavernes. Ouais. Peut-être le Pokédex, lui, là, il a les infos quand même. Il te dit éventuellement dans quelle zone, une zone de chasse, tu peux les trouver une fois que tu l'as déjà vu, parce que tu n'as pas les entrées avant tant que tu les as pas vus. Et il y a tout ce côté très collectionniste, comme tu l'avais déjà évoqué, avec le Pokédex, attraper les tous. Quand tu vois des Pokémon que tu as envie de choper, tu les as, ou sinon tu vas vouloir découvrir ceux que tu n'as pas encore vus, donc tu vas explorer pour voir où ils sont. Avec tout le système de Pokéball, la fameuse traditionnelle Pokéball, ce système où il faut affaiblir le Pokémon, essayer de le mettre de sa vie dans le rouge, pourquoi pas lui mettre aussi une affliction, donc paralysé, sommeil, le gel, et ce qui permettra d'augmenter les chances de capture, sachant que plus les Pokémon sont forts, plus ils sont rares, plus en général les taux de capture seront hauts. Alors c'est aussi une époque où on parlait des mythes, des légendes urbaines, il y avait tous ces délires, est-ce qu'il faut appuyer sur B au moment où la Pokéball elle rebute deux fois, c'est des trucs qu'on s'est aussi beaucoup raconté dans la cour d'école, mais derrière il y avait un vrai système mathématique qui gérait ça et qui rendait les captures plus ou moins compliquées, et qui faisait que parfois on allait passer 20 tours à envoyer des hyperballs sur le Pokémon pour pouvoir les choper, et notamment les légendaires, il fallait bien sauvegarder avant, parce que si tu les butais, et ben ils disparaissaient après. Et c'est ça, parce qu'en fait il y a un côté collectionniste certes, mais bah oui, tu peux rater des Pokémon. Alors déjà le jeu est fait de façon à ce que tu ne puisses pas tous les avoir, comme on l'a déjà dit, avec version or, argent, rouge, bleu, etc. Ce sera impossible de tous les avoir. Et pareil, on l'a déjà évoqué, mais les starters du début, ben voilà, t'as le choix entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, qui ont chacun des évolutions. Et ben une fois que t'en as choisi un, à moins de faire un échange, tu n'auras pas les autres. Et t'as différents moments. Alors moi j'ai de meilleurs souvenirs de rouge et bleu que de or et argent, mais dans rouge et bleu t'as les fossiles, faut choisir entre deux. T'as ou par exemple les combattants, t'as Tignon et Kikli par exemple. Oui, tout à fait. Voilà, il y a des moments, voilà, t'auras des choix. Il y a ton Evoli aussi qu'on te donne, Evoli, et que tu peux faire évoluer que d'une certaine forme. Voilà. Y a... Évidemment. tu l'as fait évoluer en quoi ton Evoli, toi? Je n'ai même pas eu. Je me suis arrêté bien avant. Non, alors sache que dans or et argent, tu peux en trouver un très tôt. C'est juste qu'il est dans une maison comme ça où il y a un mec qui dit ouais tiens prends Evoli, mais il faut le trouver. Bah faut le savoir. Mais voilà, il y a tout ça, ouais, toutes ces histoires de choix. Et je reviens juste sur les légendaires parce qu'on en a pas parlé dans l'histoire, mais voilà, il y avait le truc avec Ho-Ho et Lugia qui était aussi, voilà, une nouveauté un petit peu comme ça sur les légendaires. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que par la suite, les légendaires prendront beaucoup plus d'importance dans la narration des Pokémon. Dès les versions d'après, Ruby et Saphir, il y aura Groudon et Kyogre, qui y en a un qui a créé la terre, l'autre il a créé l'eau, et il y aura les Team Magma, Team Aqua. Et en fait, toute la deuxième partie du jeu sera vraiment axée autour de cette chasse pour atteindre ce Pokémon. Et voilà, ce sera beaucoup plus scénarisé, beaucoup plus guidé. Alors que là, c'était assez optionnel. Hein. Là, j'ai refait le jeu et il n'y a aucun moment où il y a quelqu'un qui m'a dit « Il faut maintenant aller faire ça et après, tu pourras avancer. » C'est vraiment optionnel. Et d'ailleurs, dans les premiers, hein, les légendaires... il y avait je crois pas qu'il y avait quelqu'un même qui t'en parlait que ça existait. C'était vraiment un truc qu'on découvrait, c'était légendaire, un peu comme ça, non, mais je trouve ça assez rigolo justement d'avoir cette approche, de se dire ben il y a des Pokémon, ils sont sur la boîte du jeu que t'as acheté, donc a priori tu les vois tous les jours, etc., mais personne n'en parle jamais, donc et en plus il apparaît quand tu lances le petit menu. Oui, donc ça, tu te dis ça, en fait dans ces deuxièmes versions on connaissait un peu plus le concept, mais dans les premières il y avait, c'était Dracaufeu et Tortank, donc pas des légendaires, et du coup Elector, Sulfura et tout, enfin on les découvrait comme ça, on se disait mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il y en a qu'un seul, machin, et tout. Et sinon, par contre, t'as Mewtwo, là, qui a un côté un peu scénarisé, t'as le labo où il te parle de la création, machin, mais oui, c'est vrai que les trois oiseaux, oui, je suis pas sûr qu'on t'en parle d'ailleurs. La recette, donc on le disait, hein, c'est toujours ces 8 badges, donc le jeu est vraiment découpé en zones, on va traverser une petite zone sauvage, ensuite on arrive dans un nouveau village. Dans le nouveau village, en général, il y a une arène d'un type spécifique. Alors parfois, il y a une petite quête comme ça, à faire un petit truc, tu dois parler à un Gugus pour pouvoir ramener la championne d'arène ou quelque chose comme ça. Où tu dois aller chercher des médicaments à l'autre bout de l'océan. Tu t'en souviens. Ça, c'est ça qui t'a fait décrocher. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le jeu. Donc, de toute façon. Tu vas me chercher des médocs, Benoît, c'est mort. Non, mais j'arrive sur cette ville, je suis trop content. Je récupère surf, donc je peux commencer à me balader sur l'eau. Donc, ça, je me dis, waouh, c'est vachement cool. Là, je me dis, bon, allez, j'ai assez farmé, je vais pouvoir m'attaquer. Donc, c'est un phare, je crois. Donc, je monte le phare, il y a plein de trucs, il y a des petits puzzles, il y a des machins. J'arrive tout en haut, je me dis, bon, bah, il y a la championne d'arène, je vais lui mettre sa raclée. Pas du tout. Elle me dit salut. Bah, elle était pas dans son arène. Eh ben, elle peut pas se battre. C'est même pas l'arène. C'est le phare, c'est pas vraiment l'arène. Et en fait, elle a un Pokémon, je sais pas quoi, qui est malade. Et donc, elle me demande d'aller lui chercher des médocs à l'autre bout du monde. Bon, ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu l'as fait, t'as pas à la recombattre. Ça, ils étaient sympas. Tu vois, en gros, elle te donne le badge parce que t'es sympa, quoi. Ah non, tu dois la battre. Ah bon ? Ah, bah, bien sûr. Il me semble qu'elle m'a donné le badge comme ça. Ou alors, bon, le combat, j'ai dû l'expédier, tu vois. Mais non, tu dois la battre. Elle va dans son arène et tu dois la battre. Oui, mais il y a que elle. Il y a pas. Oui, par contre, c'est ça. C'est qu'elle. Il y a pas les 40 types. C'est vrai qu'il y a peut-être qu'elle, c'est tout à fait. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, c'est le passage qui m'a vraiment fait décrocher, mais au-delà de ça, j'ai quand même globalement bien apprécié en fait mon aventure, parce que justement, il y a beaucoup d'emphase sur l'exploration et le sentiment d'aventure dans ce jeu-là, et en fait, le jeu passe vraiment beaucoup par ça. Moi, je m'attendais à ce que ça soit vraiment des combats, voilà, un enchaînement limite, ces façons, on va dire, shonen avec Freezer, Cell, etc., des monstres de plus en plus forts, et pas du tout. Vraiment, le jeu, il nous laisse très libre en fait dans notre approche. Mais juste, puisqu'on parle des combats aussi, c'est le moment juste de... On parlait un peu des JRPG, la différence et tout. C'est vrai que tout ce qui était Dragon Quest ou Final Fantasy ou quoi, c'est plus des combats en équipe où t'as des stratégies. En général, tu vas avoir un soigneur, tu vas pouvoir focus un ennemi particulier, choisir entre voilà, attaquer un seul, attaquer trois en même temps si t'as des attaques de Area of Effect et compagnie. Là, c'est du 1 contre 1. Tous les Pokémon, c'est 1 contre 1. Il va falloir se faire une team équilibrée. Idéalement, t'as les strats, parce que t'as toutes les différentes stats basées sur du pierre-feuille-ciseau, mais fois 4. Ouais, tous les types type de Pokémon, hein. C'est vrai qu'avec les starters en fait, qui t'initient à ce truc-là, c'est-à-dire feu, plante et eau, qui tournent ensemble, c'est-à-dire elles en craignent un et elles font la faiblesse à l'autre, mais c'est étendu sur vraiment beaucoup plus de types. D'ailleurs, dans celui-là, ils en avaient rajouté deux, ténèbres et acier, qui ont été ajoutés, qui viennent encore complexifier cette espèce de grande... Moi, je me souviens que j'avais le tableau avec les petites croix, voilà, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est super efficace, qu'est-ce qui marche pas du tout, etc. Et ça, tout ça, bah, le jeu te l'apprend au fur et à mesure, donc au fur et à mesure déjà des arènes. Tu l'apprends au fur et à mesure. Le jeu qui te l'apprend, c'est toi qui l'apprends de manière empirique. Alors, t'as toujours une école, en fait, au tout début du jeu, où justement, c'est tout affiché, genre ça fait faiblesse, ça fait faiblesse, ça. Mais c'est toi, oui, qui commence à l'apprendre. Et surtout, bah, quand tu croises un nouveau Pokémon, tu sais pas forcément de quel type il est. Donc, tu vas dire, ah ouais, ça. Moi, je me souviens qu'il y a des Pokémon, j'ai compris quel était leur type en faisant leur faiblesse. Tu te dis, ah ça, il craint le feu, ah, c'est un Pokémon plante, lui. Parce que parfois, tu sais, il ressemble pas toujours, tu vois. Et surtout, ceux qui ont des doubles types, parfois, t'as des petites surprises, tu te dis, ah tiens, je savais pas qu'il avait ce type-là. Je sais plus, dans le Pokédex, ça doit être marqué quand même. Les oui, types oui, c'est marqué. Mais effectivement... que si tu les as, il me semble. Je suis pas sûr que ça soit marqué ceux que tu vois. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, le jeu, il t'aide quand même à les apprendre avec les fameuses phrases, c'est très efficace, c'est super efficace, enfin voilà, ou ce n'est pas très efficace. Et là, tu comprends la nature de ton attaque, à quel point elle marche. Bah, t'as trois possibilités, c'est soit c'est juste normal, on s'en fout, super efficace, pas très efficace, ou alors même que ça marche pas, puisque par exemple, les attaques électriques ne fonctionnent pas sur le sol, les attaques physiques ne fonctionnent pas sur. Les psys, je crois, c'est ça. Il y en a plusieurs comme ça, et du coup, ouais, c'est vrai qu'il faut apprendre. Tout ce grand tableau, mais justement, l'idée à la fin, c'est d'essayer de composer une équipe qui soit équilibrée et qui va te permettre de parer à toutes les éventualités. Je trouve d'ailleurs que c'est pas si évident dans celle-ci. Il faut faire plus de choix parce que à cette époque-là, les Pokémon apprenaient que vraiment des attaques de leur type, alors que sur les versions d'après, tu sens qu'ils te donnent vachement plus d'outils. C'est-à-dire qu'un Pokémon feu, il va pouvoir apprendre, je sais pas, une attaque de combat, une attaque de ténèbres, une attaque feu, une attaque normale. Donc, t'as un Pokémon feu, mais en fait, il a quatre types avec, et du coup, t'as beaucoup plus de... C'est pas à ça que ça sert les CT là, parce que moi il me semblait... Si, effectivement, si, tu peux aussi t'en servir, il y a certaines attaques comme ça qui te permettent de... Par exemple, un Pokémon eau, il pourra peut-être apprendre des attaques glace. Il peut attaquer des attaques plantes aussi, tu peux en avoir. Alors ça c'est... Je sais pas si c'est rare, plante, mais... peut-être pas, mais bon, enfin, il y avait des trucs qui semblaient, qui étaient... Tu vois, il y a des attaques physiques classiques qui n'étaient pas forcément des trucs élémentaires, et du coup, comme ça, ton Pokémon... moi, je sais que mon... comment il s'appelle la plante là, Chitiflore Boosty machin là, il est devenu, en gros, je lui avais mis une attaque vraiment en plante et je lui avais mis aussi une attaque physique qui servait que dans certaines situations. Donc ça, c'était possible. Et c'était parce que c'était une CT. Et après, aussi, comme il est poison, il peut aussi apprendre des attaques poison. Bref, il y avait toute cette complexité-là avec les doubles types. C'est vrai que quand on aime Pokémon, ça fait partie du jeu d'essayer de se construire vraiment cette team équilibrée et tout. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on en discutait sur le Discord, c'est qu'il y a quand même des champions qui émergent, la bonne team. On s'est tous rendu compte là sur Discord que voilà, les Marest, donc Marest qui est sol eau, donc qui est un type vraiment très intéressant parce que bah il perd complètement sa faiblesse à l'électricité, il apprend séisme, il apprend surf, donc très pratique. Pharan, donc le Pokémon électrique aussi que tout le monde a parce que bah c'est celui qui a les meilleures stats. Les Léviators, ça c'est l'évolution de mon mouton là. Exactement, ouais, ah, oui, j'étais presque hein, tu vois, parce que je l'avais compris. Non mais je l'avais vu que mon énergie il était super fort, tu vois. Un Nostanfer aussi, les évolutions de Nosferatu. Bref, il y a quand même quelques Pokémon qui sont très forts, qui sont très utiles, et dans cette version, voilà, on s'est rendu compte qu'au final on terminait plus ou moins tous avec la même team. Donc voilà, il y a quand même des champions qui émergent, mais ça encore une fois c'est en connaissant le jeu, en recommençant plein de fois, que tu te dis ah oui il évolue comme ça, donc lui je pourrais le mettre dans ma team. Et puis ça dépend bien sûr du starter que tu as. Si t'as commencé avec un starter haut, tu vas peut-être pas prendre un Léviator par exemple. Et bon, c'est l'occasion un peu aussi de dénoncer petit peu Pokémon, voilà, qui voulait un petit peu, enfin qui idéalement a eu l'ambition de nous faire créer beaucoup de liens avec nos Pokémon, tu vois, d'un côté affectif. Et finalement, tu vois, il y a quand même un game design qui fait que, comme on l'a déjà dit, hein, c'est des armes. Tu vois, tu vois vraiment comme des armes. Tu fais une équipe plutôt équilibrée plutôt qu'une équipe mignonne. Alors, tu peux, hein, j'imagine, il y a peut-être du fashion Pokémon où tu te fais une team juste mignonne ou que tu trouves classe, évidemment. Mais c'est pas vraiment comme ça. En fait, le jeu te pousse plutôt à jouer le côté, voilà, je veux des types complémentaires, des types qui vont attaquer. Et c'est un peu, je sais pas, un peu comme si tu te faisais une armée dans Fire Emblem où tu vois, là, tu veux de la hache, tu veux de la lance, tu veux de l'épée. Oui, de toute façon, c'est des outils. C'est ça. Tu vois, le côté capture, moi j'étais un peu triste de me dire bah je les capture et ah bah j'ai plus de place, donc qu'est-ce que je fais, je les mets dans un ordinateur et je les oublie et je me rappelle même plus que j'ai chopé un recoup ouais, il y a je sais pas combien d'années. Et tu te dis bon, c'est vrai que ça m'a un peu manqué. Comme j'ai joué aux versions les plus récentes, j'ai vu que ça c'était un truc sur lesquels ils ont justement voilà, un peu plus travaillé le côté attache, machin, ouais. Parce que justement en fait c'est marrant, mais le dessin animé Pokémon te donnait une vision où moi je m'attendais à ce que ça soit, tu vois, j'ai mon petit Pokémon avec moi, on a des liens, on a des aventures, on fait des trucs, il me regarde, il me dit Hérissandre, Hérissandre, tu vois toute la journée, enfin j'en sais rien, il allait se passer des trucs. Et a priori de ce que j'en ai compris, c'est ce qu'ils ont fait avec Go Pikachu et Go Evoli ou je sais pas quoi là. Même avant en fait, t'avais la, donc après Rouge et Bleu t'as eu Pokémon Jaune justement après l'animé, une fois que Pikachu est devenu Salem, parce que ça on l'a pas dit, mais quand le jeu est sorti, Pikachu n'a pas une place importante dans Rouge et Bleu, c'est avec le temps, etc. Et aussi pour l'animé, hein, pour adapter, je pense qu'ils ont fait un peu du benchmark, des études marketing et tout, parce qu'ils se sont dit bon, faut quand même qu'il ait des compagnons machin. Pikachu était très célèbre, et donc t'as eu Pokémon Jaune, le spin-off, et en fait Pikachu te suit là, vraiment comme tu dis, tu le vois sur l'écran, tu te suis derrière, voilà. C'est le Pokémon qu'on te donne, j'imagine que tu peux interagir avec lui quand tu te retournes. Et d'ailleurs dans les remakes de ces versions, donc ceux qui sont sortis sur 3DS, la Soul Silver Heart Gold, ton premier Pokémon dans ta team, il te suit derrière, n'importe qui, peu importe qui c'est. D'accord. Soit si t'as ton Typhlosion qui te sort derrière, ton Léviator qui est en train de te suivre comme ça, donc t'avais toujours ton premier Pokémon derrière toi qui t'accompagnait. Et ouais, c'est quelque chose qu'on retrouvera au fur et à mesure dans d'autres épisodes. Et c'est l'occasion de dire que dans, du coup, Or et Argent, qui est quand même l'épisode dont on parle, il y a une mécanique de bonheur quand même, une petite stat de bonheur. Tout à fait. Donc tu sens qu'ils ont essayé, et on peut les masser, je crois, ou les faire masser pour augmenter un peu la stat de bonheur, ou il y a un autre truc qui peut faire baisser le bonheur, mais bon, comme dit, c'est pas, voilà, c'est un petit truc, mais ça va pas déterminer toute l'expérience Pokémon. Non. Ouais. Et cette mécanique de bonheur, du coup, qui permettait certaines évolutions et qui faisait partie finalement des ajouts un petit peu de cette version. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais il y a des objets tenus, il y a des nouvelles Pokéballs, il y a des nouvelles façons de faire évoluer les Pokémon en les échangeant. Ça, c'était déjà un truc qui était présent, les Macogneurs, les Ectoplasmas qu'on pouvait obtenir qu'en échangeant. Là, cette fois-ci, il y a certains Pokémon qui ont des versions différentes si on les échange avec un objet. Bref, plein de petits ajouts. Système de cycle jour-nuit aussi qui était sympa. Voilà. Ça, j'ai découvert ça par hasard, où le soir, je me dis tiens, je vais jouer, et boum, il fait nuit. Ouais, parce qu'en fait, il te demande l'heure qu'il est quand tu lances le jeu. Et c'est des petites choses, et je me dis oui, c'est sûr que moi, gamin, tu vois, moi, président, j'aurais joué à ce jeu-là. J'aurais aimé le truc, je pense. Je serais tombé dedans. Coup, des Pokémon qu'on trouvait que la nuit. Et pour revenir sur ce truc de bonheur, bah, par exemple, Evoli, si elle était heureux, soit la journée, bah, évoluait en Mentali. Et sinon, si tu l'entraînais justement la nuit, tu pouvais avoir un Noctali. Mais bon, vaut mieux prendre un Mentali parce que bon, voilà, Noctali est pas ouf. Voilà. Okay. Mais pour revenir à ce que tu disais un petit peu, Benoît, sur ce côté exploration, c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'avait. Je l'avais pas compris à l'époque quand j'y jouais, mais là, beaucoup plus tard, quand j'ai repensé, voilà, Pokémon, qu'est-ce que c'était et tout, bah, il y avait ce côté vraiment exploration, puisque c'est un monde pas construit comme un Metroid, mais pas loin. On est sur une espèce de labyrinthe un petit peu interconnecté. On va avoir littéralement des portes qui nous bloquent. Ces portes-là, c'est des portes qui sont liées à des capacités. Soit ça va être. Des buissons à couper avec la CS Coupe. Là, il y a Éclatroc, donc c'est la même chose, sauf que c'est des rochers. Il y a aussi Siphon dans celui-ci, où il y a des petits tourbillons et tu fais Siphon et ça désactive le Siphon et tu peux passer. Donc, il y a plein de petites compétences comme ça qui vont nous permettre de passer des chemins. Et puis, il y a les CS un peu plus intéressantes comme Surf, qui vont permettre de complètement traverser les océans et de découvrir d'autres pans de la map. Tu peux avoir un vélo. Tu peux avoir un vélo aussi, ouais. Effectivement. Alors là, dans celui-là, je crois que... j'adore parce que c'est au pif. Tu rentres dans une maison, tu parles à quelqu'un, tu sais, tu te dis, tiens un vélo. Tiens, il y a un vélo, tiens, c'est pour toi. Et en fait, il faut que tu fasses de la pub pour vendeur de vélo et qu'il y a d'autres gens qui achètent des vélos grâce à toi. Et tu l'as très tôt, hein. Je me souviens que dans les versions précédentes, en fait, il arrivait assez tard le vélo. Et justement, c'était une clé en plus pour passer sur la piste cyclable. Sinon, tu pouvais pas continuer le jeu. Il y a la CS Force aussi avec les rochers qu'on va pouvoir pousser, avec lesquels il y a pas mal de puzzles qui sont à faire. Et d'ailleurs, je peux peut-être revenir sur la fameuse zone de glace, la grotte de glace, qui est donc juste avant le dernier badge. Il y a une grotte de glace avec un puzzle, avec des rochers, enfin, où on doit suivre un espèce de chemin correctement en se cognant bien correctement contre les rochers. Et à l'époque, je n'y arrivais pas du tout, mais vraiment pas. J'étais vraiment perdu et je passais des minutes à entendre, tu sais, à appeler le service Nintendo pour les solutions, tu vois. Et oui, le problème, c'est qu'il y avait le mec, il disait ça super rapidement. Il dit, faites bas, haut, droite, machin. Et j'arrivais pas à suivre, tu vois, à dessiner les flèches quand il me les disait. Du coup, je demandais à ma mère, vas-y, est-ce que t'arrives à noter en même temps que le mec qui lui a dit, j'arrivais pas. SO à tous ces gens qui, tu vois, avaient des enfants au bout du fil à longueur de journée en hotline. Non, genre, mais c'était pas quelqu'un qui parlait. C'était que des messages enregistrés. Déjà. Si vous êtes bloqué à tel truc, tapez machin, et t'arrivais à cet endroit-là avec tout un. Tu passais déjà 4 minutes à payer. Moi, je me souviens d'avoir appelé des numéros où j'avais quelqu'un au bout du fil, un vrai humain, et je disais, je suis bloqué dans Soul River, je dois faire un truc. Mais du coup, à l'époque, moi je me souviens que c'était vraiment un robot, et du coup, j'arrivais pas à avoir le temps. C'était déjà remplacé par les machines en 2001. Ouais. Cyberpunk. Parce que ça, les hotlines avec des vrais humains, c'est marrant parce que c'est une époque, c'était peut-être du coup plutôt les années 80-90, je sais pas si c'est peut-être un peu. Je pense qu'en les années 2000, ça y est, c'était passé. Et puis bon, moi, c'est juste que j'avais pas internet à la maison à l'époque, alors que certaines personnes devaient déjà l'avoir. Oui, en plus, il y avait internet. Moi, on n'avait pas encore d'ordi à l'époque, donc voilà. J'ai pas pu aller sur l'étage IV pour pouvoir me renseigner bien mieux. Pour recevoir ta disquette. Et puis il y avait aussi la CS Vol qui permettait de faire un voyage rapide dans les villages. Voilà, tout à fait. C'était une sorte d'open world en fait avant l'heure. Enfin, c'était complètement dingos. Non, mais c'est vrai que en revenant dessus, je trouve Tu rigoles, mais moi je suis impressionné. Tu vois, vraiment avec le recul de voir la liberté, la richesse en fait de ce qu'on te propose en termes d'exploration, d'aventure. C'est assez ouf quoi de voir qu'on avait cette liberté là. Il y a ce petit côté Metroid, comme tu disais, qui est assez rigolo, parce que tu dis, je suis bloqué. En plus, la structure de Johto, c'est t'as une espèce de boucle dans laquelle tu tournes. Tout à fait. Et en fait, il y a un arbre, je crois, qui te bloque. Et donc, tu débloques. Ensuite, le jeu, boum, il s'ouvre. Tu peux partir à gauche, tu peux partir à droite, tu peux aller faire les trucs avec surf, il te parle du lac avec un Léviator. Enfin, vraiment, d'un coup, le jeu s'ouvre et tu dis, mais c'est un jeu Game Boy, quoi. Enfin, c'est très impressionnant parce qu'il y a, je sais pas combien de Pokémon, de machin. Non, c'est assez impressionnant. Même encore aujourd'hui, en fait, cette recette-là, elle a un charme, je trouve, assez immédiat. C'est-à-dire que au-delà du fait que je pense qu'il faut se mettre dans un certain mood pour y jouer, je comprends qu'on ait envie d'y retourner avec plaisir, sans souci, quoi. Ouais, et puis ça donnait quand même un peu cette liberté. Et c'est vrai que là, vraiment, en refaisant le jeu, je me souvenais pas du tout que le badge 4 et 5, comme ça, on pouvait les aborder dans un certain ordre, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et puis, il y a aussi plein de petites zones optionnelles qui sont plus ou moins cachées. Il y en avait déjà dans les premières versions avec la centrale, la grotte azurée. Là, on retrouve, il y a la grotte des Arbis, les ruines alpha, comme ça, c'est vraiment un endroit, tu y vas, tu sais pas trop ce que t'as à faire, il y a des petits puzzles à refaire où faut refaçonner un Kabuto, tu sais pas jusqu'où ça va, je me souviens d'ailleurs même plus trop ce qui s'y passe à la fin. Il y a les tourbilles, il y a la tour Pokémon avec les légendaires, tu rentres aussi dans l'endroit où tu vois les trois chiens là, Suicune, Entei et Reiku qui se tirent comme ça devant toi, tu fais ok, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces trucs là, et vraiment voilà, il y a toutes ces petites zones optionnelles qui te permettent aussi un petit peu de grinder, mais parfois de découvrir à la fois des nouveaux endroits, mais aussi des Pokémon forcément qui vont être un peu exclusifs. Je sais, il me semble que justement dans les tourbilles, je crois que c'est là au fond qu'il y a un low class dans cette version, je sais pas, il me semble, voilà, j'y suis pas retourné là en refaisant le jeu, parce que j'ai dû récupérer genre 12 badges et après j'ai arrêté parce que je vais pas tout refaire non plus parce que je commençais à bien connaître, mais voilà, il me semble qu'il y a plein de petits secrets comme ça. Et voilà, c'est vrai que c'était un jeu moi qui à l'époque m'a donné vraiment ce truc de l'exploration, et en fait je me dis aujourd'hui, si j'aime autant les Metroidvania et ce style de construction, cette espèce d'idée d'avoir une boucle, d'arriver à un endroit et de dire attends, je peux pas y aller, je vais faire un truc et ça me ramène dessus, ou j'ai un pouvoir qui me débloque des accès, je pense honnêtement que ça vient de là, parce que j'avais jamais joué un Metroid ou des trucs comme ça, ou même un Zelda, parce que c'est vrai que Link to the Past, c'est un peu cette structure là aussi, en fait, la même idée quoi, une fois que tu vas avoir besoin des gants pour soulever les cailloux, tu vas avoir besoin des bombes, tu vas avoir besoin de ton arc, etc. Et c'est vrai que tu retrouves cette idée là finalement d'un monde pas ouvert, parce que c'est pas dans le sens qu'on a aujourd'hui d'un open world, mais d'avoir quand même cette sensation d'une certaine liberté et de maîtriser ton environnement. Tu vois, tu as vraiment une prise de contrôle des lieux et du coup, d'un moment, tu peux te balader. Là, je trouve que c'est assez efficace comment c'est montré. Tu vois bien que les chemins entre le premier et le deuxième village, quand tu y reviens, ça va toujours plus vite parce que tu peux sauter par-dessus les petites. T'as des raccourcis. T'as les petits raccourcis, les petites falaises. Moi. Mais bien sûr, non, mais de toute façon, on peut le dire. Je veux dire, à chaque fois qu'on en parlait dans la préparation, s'est rendu compte qu'on peut faire des rapprochements entre le world building de Dark Souls et de Pokémon à tout un tas de il y a tout un tas de choses qui sont assez proches, et notamment un des trucs qui est assez violent, c'est le fait que c'est des jeux qui demandent énormément d'engagement, et c'est un truc qui a été, je pense, le plus difficile pour moi, c'est de me dire à quel point le jeu attend de nous qu'on s'investisse en termes de temps, en termes de curiosité. C'est un jeu où il faut parler à tout le monde. Ouais. Mais vraiment, ça, c'est un truc qui m'a fait complètement vriller quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse ça. Parce que, genre, je rentre dans une maison en me disant, bon, bah voilà, celle-là, aujourd'hui, je vais rentrer dans une maison, on ne sait jamais, plutôt que d'aller que dans le Poké Center et de partir ailleurs. Et là, la personne, elle me donne un vélo, et l'autre, elle me donne une CS, et l'autre, elle me dit, ah, mais attends, si tu me donnes un, je sais pas quoi, je te donne un autre Pokémon en échange, tu vois. Et tu dis, mais attends, ça se trouve, j'ai raté des milliards de trucs. Ouais. Et. En discutant avec mes acolytes, il me dit mais t'as pas fait ça, non. Ah, et en fait en y rejouant, moi je me souvenais plus du tout, mais c'est vrai qu'il y a vraiment genre la CS Force, c'est un mec paumé dans une maison qui te la donne, mais genre, et vraiment j'y ai pensé, parce que je la cherchais, tu vois, je me souvenais plus où elle était, et je me disais attends, là c'est la reine qui me donne l'autorisation de l'utiliser, du coup il doit pas être loin le mec, et effectivement il était là. Et pareil, la CS Vol, c'est une meuf qui est devant une arène comme ça, et t'as aucune raison de lui parler. Et en fait, ouais, je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est pas du tout lissé, cadré, comme on pourrait l'imaginer que ça l'est aujourd'hui. Non, pas du tout, c'est vraiment des trucs complètement random. Pareil, Evoli, il faut rentrer dans une maison, on te le donne. Enfin, s'il y a plein de trucs, tu te dis, mais combien de fois on a dû être bloqué, ne pas savoir où il fallait aller. Et je me souviens, dans les premières versions, tu te souviens du parc Safari, Maxime? Oui. Où il fallait chercher les CS, là, tout au bout, là. C'était super chaud. Et ouais, vraiment, ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout habitué à être genre, bah, tu verras bien. La CS super importante pour progresser, oh, c'est lui là, c'est ce mec là, rien ne t'y mène, rien le du tout. Le type à côté de lequel t'es passé, tu vois, il y a 6 heures, c'était à lui, il fallait lui parler. Ouais. Voilà, c'est tout, et il te l'a donné, il est sympa. Et c'est un truc que tu retrouves aussi, on s'était dit, mais dans les attaques, donc qui sont limitées à 4, et en fait, faut en oublier une. Enfin, quand on apprend une nouvelle, t'as le choix entre en oublier, enfin, soit tu dis non, je veux pas en apprendre de nouvelles, ou tu dois en oublier une pour avoir la nouvelle, sauf que tu ne sais pas ce que fait la nouvelle. Donc, ça, c'est ultra. C'est vraiment. Je pensais pas. Honnêtement, j'ai relancé le jeu. Je fais, mais quoi, on t'explique pas ce que fait l'attaque? On te dit pas c'est quoi le type? On te dit pas c'est quoi la puissance? On te dit pas ce qu'elle fait? Et c'est vrai que à l'époque, faire des choix sans savoir, t'es là, genre, mais moi je peux pas. Enfin, tu vois, j'étais vraiment bloqué. Ça n'a pas de sens. Non, mais vraiment, en termes de design, ça n'a aucun sens. Ah, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me souviens à l'époque, tu vois, je me souviens du Dracofeu, genre niveau 64, mon gars, il apprend Danse Flamme. C'est nul, Danse Flamme. C'est une vieille attaque qui fait 5 fois le truc. Les gens le savent. Et tu vois, du coup, t'avais appris Lance-Flamme avant, qui est la vraie bonne attaque feu, et t'apprends ça, je te dis bah ouais, vas-y, j'oublie, ça doit être plus puissant. Et non, t'as ton Dracofeu, il est flingué, il peut plus rien faire après. Et tu te dis, et c'est vrai que le jeu ne t'explique pas. Et vraiment, en revenant dessus, je fais mais comment c'est possible? Je sais que j'ai flingué 2-3 Pokémon en leur faisant apprendre. Alors moi, c'est le truc avec autodestruction. Non, c'est destruction, c'est pas autodestruction, justement. Non, c'est destruction. Toi, destruction, je me suis dit, c'est un caillou, bon, il va mettre des grands coups de patate, grosse patate de forêt. Et là, je vois mon racaillou qui, à chaque fois, il meurt. Alors, l'autre aussi, mais tu te dis, mais je vais passer ma journée à retourner à la pharmacie, à aller ressusciter, utiliser mes objets et tout. Et je crois que c'est coup de boule qui te fait des dégâts aussi à toi. Enfin, je crois qu'il fait pas mal de dégâts. C'est coup de crâne. Et ça aussi, tu dis, ah oui, ok, donc il vient de perdre de la vie, il vient de se faire mal. Ok, super. Ou bélier, non, c'est bélier, c'est bélier qui fait ça. Mais voilà, toutes ces. En fait, il y a une opacité, c'est n'importe quoi. Les attaques, tu sais pas ce qu'elles font, tu sais pas quel type. Il y a une sorte de trahison en train de jouer. Parce que c'est la nouvelle attaque. Ouais, donc c'est logiquement il y a une espèce de progression. Non, elle est pourrie. Des moments, ils te mettent en plein milieu de l'évolution de ton mec, ils te disent, tiens, cette attaque-là, elle est merdique. Tu vas prendre entrave? Non, mais oui, je pense que ça a l'air bien. Non, c'est nul. Mais vous savez pas dire oui à la vie. Il faut de la surprise, il faut un peu. Alors, conserver une quatrième attaque un peu pourrie, on sait jamais. Et voilà, et dire juste accepter et tu testeras, c'est pas. De toute façon, en face, attends, mais en vrai, même les bons dresseurs, légendaires, machin, je sais pas, Régis, enfin, de mémoire. Je veux dire, ton Rocarnage, machin, il fait jet de sable. Il est niveau 75 et il fait encore des attaques qu'un ratata pourrait faire. Attention, jet de sable, Maxime. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien parce que. Là, tu vois, justement, c'est vrai que jet de sable, c'est très bien. En jouant à l'ancienne, quand on était gamin, on jouait qu'avec les attaques fortes. On tape. Et alors que franchement, en fait, là j'ai refait et là je jouais la mesquinerie, donc les ondes folie, les cages éclairs, tous les petits trucs de cage éclair, tu fais chier tout le monde et franchement d'ailleurs c'est comme ça que j'ai réussi à battre la vache, les crémeux de machines là qui a roulé roulade, donc attaque qui gagne, qui fait deux fois plus de dégâts à chaque tour. Genre à la fin du combat, elle te one shot tous tes Pokémon, c'est n'importe quoi. Et bah ouais, c'est vrai que j'ai dû la, moi je l'ai battu avec des ondes folie, tu vois, Tinosferati. Et c'est vrai qu'en fait, quand on était gamin, moi je me suis dit, mais t'es vraiment que des attaques fortes, alors qu'en fait, tu peux jouer. Et la précision, je me souviens des combats où les Pikachu ils faisaient 12 fois reflet, mon gars, mais tu les tapais plus. Et ça durait 100 ans les combats, c'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, on peut revenir sur le dernier point qui fait que quand même, justement, quand tu connais pas trop le jeu, et ben l'équilibrage fait que t'es quand même pas mal encouragé à grinder. Quand tu sais pas, quand tu connais pas forcément les types, que tu sais pas forcément que l'idée c'est pas de... que ça, c'est qu'en fait, les ennemis que tu croises n'évoluent pas en termes de niveau aussi vite que toi. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, très vite tu te dis, bon, les Pokémon dans les hautes herbes, c'est de la daube. Ouais, c'est-à-dire, ça c'est vrai. Ça rapporte aucun XP, ça ne sert à rien. En plus, et ça, je suis désolé, mais il faut que je le dise, le fait de devoir faire apparaître ton Pokémon juste une seconde pour qu'il fasse coucou, je suis dans le combat, et ensuite tu le renvoies dans ta Pokéball celui qui va vraiment se battre, histoire que l'autre il gagne de l'XP. Mais c'est un système débile au possible. Enfin, c'est vraiment, moi ça me rend dingue, même en jouant en x2, j'avais envie de me jeter la tête contre les murs. Mais bref, le jeu donc te donne pas de moyens de gagner de l'expérience. Et donc, comme t'es dans une logique un peu de progression classique façon JRPG, tu dis bah si je gagne des niveaux, tu vois, travailler plus pour gagner plus, quoi. Donc, farmer plus pour taper plus. Et là, bah c'est pas du tout ça, parce que en fait, bah, effectivement, il faut avoir le bon Pokémon, le machin, ou alors il faut aller dans les arènes, parce que là tu gagnes beaucoup d'XP. Il faut retourner taper les gens qui t'appellent. Il faut bien battre tous les dresseurs, ça, ouais, c'est la base. Faut vraiment dresseur, pas esquiver, ouais, ouais. Plutôt que de les esquiver, parce qu'en plus, enfin vraiment, moi j'ai trouvé ça chiant. C'est-à-dire que tu te dis, il y a en vrai, il y a, allez, à vol d'oiseau, il y a 40 mètres entre les villages, tu vois, mais il y a 28 dresseurs entre les deux, et donc tu vas y aller et tu vas vider tout ton stock de bonbons et de potions et de super potions et de machin. Ah, c'est que c'était pas très bon ça. Bah ça, t'es pas vrai. Oui, moi je suis pas. Tu vois, quand ça, je connais pas le truc. Ouais, ouais, bien sûr, mais c'est y a un côté vraiment fastidieux, tu sais, de jeu qui t'as l'impression d'évoluer dans une espèce de sable mouvement par moment qui t'empêche de vraiment t'éclater. Et quand enfin des fois tu te croises des gens et tu dis ah là je vais gagner de l'XP, en fait t'es devenu tellement fort que tu l'es one shot. Enfin vraiment, mon Hérissandre, la plupart des gens, il arrivait, j'étais niveau 38, j'avais des niveaux 20 en face, tu vois. Il arrivait, il faisait genre éternuement et pouf, c'est super efficace, tu vois. Et surtout quand t'as identifié un peu la zone, en fait tu sais de quel type vont être la majorité des Pokémon des mecs qui t'attendent. Typiquement ton Hérissandre, tu l'aurais peut-être pas mis en premier si t'étais en train de nager et que t'allais non, mais là du coup tu mets juste ton petit Pokémon électrique. Non, mais là d'abord. Je sortais, voilà. Voilà, parce que tu non, c'est pas plante qu'il faut contre l'eau. Si, ça marche aussi. Oui, ouais, c'est, donc mais, c'est mon Boostiflore. Ouais, ouais. Là, du moment où j'ai eu surf, j'étais sur mon petit, je sais plus quoi là, et Boostiflore, il est. Du coup, tu fais one shot. Ouais, voilà, c'est vraiment voilà. Mais bref, tout ça pour dire que le jeu, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu contre-intuitives quand on a une certaine habitude des JRPG, et je pense, alors avec le recul, c'est vraiment une hypothèse que j'ai, c'est que je me dis, ben, c'est un jeu qui était pensé pour pousser les échanges et la discussion entre les gamins à la cour de récré, et je pense que c'est une espèce de, tu sais, c'est un prototype de jeu à wiki pour moi. Vraiment un jeu, c'est pour ça que la comparaison avec Dark Souls, elle me paraît, plus ça va, plus elle me paraît pertinente, c'est que il y a ce côté jeu avec tellement d'informations cachées que tu as besoin d'autres gens pour t'aider, et donc ça crée une espèce de lien social autour du jeu, ce qui, d'un point de vue design, est assez brillant de parvenir à faire ça. Ça, je trouve ça intéressant, parce que si moi, aujourd'hui, je m'intéressais à ce jeu-là, je vous aurais posé 1000 questions, je me serais intéressé, je serais allé sur des forums, je serais allé sur les suites pour savoir un peu ce qui se passe, etc. Et clairement, bah, ça te donne envie, en fait, de percer les mystères du truc. Mais, tu vois. Mais j'insiste vraiment dessus parce que, du coup, moi, il y a plein de choses que je ne voyais pas parce que je connais le jeu. Et en fait, c'est ça qui était intéressant aussi, qu'il y en ait un de nous qui le découvre comme ça aujourd'hui, parce que ça a pu mettre en exergue des aberrations de design, vraiment les attaques pas expliquées. Vraiment, moi, je le dis sincèrement, Jean, je ne pensais pas que c'était comme ça. Parce que, voilà, le mémoire, enfin, les attaques, moi, je les ai gravées dans mon sang, tu vois. Je sais même quand les Pokémon, ils les apprennent, tu vois. Donc, j'ai même plus besoin de réfléchir. Je sais quelle attaque ça fait quoi, etc. C'est tout dans ma tête. Je sais, je me dis, ouais, là, dans deux niveaux, il apprend ça, c'est bon, je suis bon. Et en fait, quand tu découvres, il n'y a pas du tout ça. Et c'est vraiment ça, je pense, à faire l'effort de se dire ah ouais, non, il y a plein de trucs qui n'étaient pas du tout encore au point, dans ces versions-là, même dans celle-ci, quoi. Mais là, c'est vrai que d'un point de vue design, enfin, voilà, c'est vraiment une règle de base qu'on apprend, je pense, à tous les gens en école de game design aujourd'hui, c'est si vous faites faire un choix aux gens, donnez-leur les conséquences. Peser, vous voyez, entre le pour et le contre, est-ce qu'il faut faire ce choix ou pas, parce que sinon, on n'en sait rien. Parce que là, les attaques, tu te dis, ben, si c'est que des histoires de dégâts, bon, certes, tu vois, tu peux avoir un delta, mais quand c'est des attaques qui ont des effets, Et tu sais pas non plus le nombre de PP qu'elles ont. Tu sais, le nombre de fois. Ouais, le, des fois, tu mana, dis, bah tiens, je vais avoir une nouvelle attaque. Elle est très bien, tu peux l'utiliser 5 fois. T'es là. Super. Tu vois, vraiment. Et puis, tu sais, il y a des taux de précision aussi. T'en as, elles sont grave fortes, mais elles sont. C'est par exemple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui préfèrent, par exemple, garder lance-flamme, qui a des précisions à 100, plutôt que d'avoir déflagration, qui est l'attaque plus forte de feu. Mais par contre, qui a une précision genre à 75, qui fait que tu rates beaucoup plus souvent. Alors qu'en fait, lance-flamme, bah, au moins, c'est reliable, tu vois. Je sais que je vais pouvoir cramer le Pokémon en face et c'est bon, tu vois. Donc il y a plein de petites infos comme ça que tu sais pas et que t'apprends vraiment au fur et à mesure du temps, et qui fait, je pense, que ouais, moi aujourd'hui, rejouer au jeu, c'était une espèce de grande promenade de santé nostalgique. Je me suis amusé. Bon, j'étais en x2 insupportable, il faut le savoir, mais voilà, c'était pas du tout la même expérience en fait que quelqu'un qui découvre le truc, mais parce que nous, mais on l'a découvert quand on avait 8 ans. Je suis pas en train de dire que c'était une mauvaise expérience, c'est juste que c'est choquant de voir à quel point ces choix ils sont radicaux et on les ferait plus du tout aujourd'hui, mais c'était pas mal. C'est-à-dire que justement, paradoxalement, cette espèce de mystère qu'on ressent en permanence, cet inconnu, qu'à chaque fois qu'on se déplace dans une nouvelle zone, on va se demander ce qui va se passer, ensuite on se dit, bah, une fois qu'on a compris qu'il faut parler à tout le monde, tu vas parler à tout le monde, en fait, ça donne justement ce côté ça te donne envie d'explorer, ça te donne ce souffle de l'aventure, tu vois, ce truc un peu diffus dont moi je parle très souvent dans mes vidéos, parce que justement c'est un truc qui me plaît, et j'ai ressenti ça en jouant à Pokémon, alors que je faisais ça, bon, à chaque fois que je devais attendre le train, j'en sais rien, j'ai joué un petit peu en dilettante sur mon téléphone, mais bah, j'ai quand même passé un bon moment au final, donc pourquoi pas. C'est juste que ben voilà, pour des gamins de l'époque, je me dis, ben, heureusement que vous aviez que ça à faire et que vous pouviez acheter qu'un jeu par an, quoi, parce que sinon, c'est pas possible. De toute façon, c'est toujours un problème assez insolvable dans le JV. Enfin, t'as deux écoles, t'as effectivement l'école qui va un peu insoluble. T'as l'école qui va t'expliquer un petit peu, bah, justement tout, et tu perds ce sens de mystère, mais au moins tu comprends, tu n'es pas bloqué en fait par le jeu. Et les autres où ça va être, bah, justement découvrir, c'est le plaisir en fait, chercher moi-même, découvrir, c'est le plaisir, mais ça demande plus d'efforts, plus d'investissement. Après, c'est vrai que voilà, comme on a dit sur les attaques, aujourd'hui, tiens, pour dire ce qu'on dit, on ferait plus comme ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, par exemple, dans les arbres de compétences, ce qu'on va faire, c'est mettre une petite vidéo qui te montre ce que ça fait déjà, ne serait-ce que graphiquement, tu vois, tu vois un peu l'attaque qu'elle fait, il te dira les stats, machin, on ferait effectivement plutôt ça aujourd'hui. De toute façon, on peut dire ce qui est devenu après, c'est-à-dire que justement, au fur et à mesure des épisodes, eh bien, ils vont lisser tous ces trucs-là, les attaques, on saura ce qu'elles font avant de les apprendre, on aura les PP, il y aura aussi tout ce délire sur les attaques physiques, attaques spéciales qui vont être vraiment rééquilibré. Bref, il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer dans l'exploration, parce que maintenant, ce sera plus juste un personnage random, c'est un personnage important qui, à un stade du jeu, va te dire, tiens, je te donne la capsule secrète, ou te dit, va dans le manoir machin, et il faut que tu battes tel machin, et à la fin, t'auras la CS. Ce sera beaucoup mieux réglé, beaucoup plus cadré. Alors forcément, on va perdre un petit peu de ce côté inconnu et curiosité qui fait que, ouais, aujourd'hui, je pense que quand on joue, si vous me mettez là, bah moi j'ai joué encore à Pokémon épée bouclier, ouais. Donc la dernière génération qui est sortie, et c'est vrai que bon, bah, on est vraiment sur des ultra rails, ça ne bouge pas, t'es tout le temps encadré, c'est par là qu'il faut aller, fais ci, fais ça, etc. On n'est plus du tout dans cette découverte qu'on pouvait avoir dans les autres. Bon, encore une fois, évidemment, voilà, moi je suis un vieux de la vieille, donc c'est encore pire, c'est à dire que bon, moi je connais tellement le truc que mon cerveau il se met dans des pantoufles quand je joue à Pokémon et j'ai vraiment pas besoin de réfléchir. Mais en même temps, ça a du sens, parce que justement, une expérience qui est quand même pensée pour des enfants, parce que c'est quand même ça le cœur de cible logique de Pokémon, c'est quand même les enfants, et donc ça me semble pertinent de faire une aventure qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus encadrée, et on ne va pas nous frustrer comme on nous frustrait un peu à l'époque. C'est vrai que là, récemment, j'ai fait Super Metroid. Bon, bah, y a des moments, c'est pire que Pokémon, hein, y a des murs, ah bon, on le traverse, ah bah d'accord, c'est comme ça, c'est le jeu, et t'es là, bon d'accord. Et c'est vrai qu'on fait plus du tout les jeux de la même façon, mais ça a du sens de faire évoluer la série, et je pense que c'est pour ça que voilà, aujourd'hui moi j'ai décroché un petit peu, moi j'ai encore enchaîné jusqu'à 4e génération Diamant Perle, qui d'ailleurs c'est les remakes là qui viennent juste de sortir. Il y avait un truc qui était top, c'était la bourse au Pokémon, puisqu'on pouvait échanger en ligne maintenant, et ça c'était top parce qu'on pouvait vraiment, c'est une des rares versions où j'ai quasiment pu compléter mon Pokédex, parce que on pouvait échanger avec le monde entier. Tu mettais en Pokémon genre je veux ça en échange, et tu pouvais l'avoir éventuellement. Il y avait vraiment des cotes et tout, enfin c'était pas une bourse au sens comme ça, tu vois. C'est en fait tu posais par exemple, je sais pas, Nidoran niveau 10, et tu disais bah je veux en face que vous m'envoyiez un Chenipan niveau 20, et si quelqu'un était disposé à t'envoyer ça, bah l'échange se faisait. Du coup, moi je faisais un élevage avec des bébés, tout oui, comme voilà, ça, j'avais les rares et tout. On bat la Team Rocket, mais on fait des élevages à côté, juste sûr, pour les revendre. J'avais une production, mon gars, mon métamorphe, je peux t'assurer qu'il bossait. Hein. Bref. Et donc, il y avait tout ça, mais et voilà. Et après, j'ai un peu décroché parce que c'est vrai qu'on peut le dire, c'est une formule qui a été lissée, qui a été améliorée, etc. Qui a été répétée. Mais voilà, qui n'a vraiment pas beaucoup bougé au fil des années. Même si, eh ben, ça marche quand même toujours. Bah hein, oui, en aujourd'hui, fait, c'est ça hein. qui est. Mais je pense parce qu'ils arrivent aussi à toucher un nouveau public d'enfants. En fait. Tu vois, il y a une nouvelle génération de gamins qui se retrouvent bien là-dedans. Pour les anciens, bah, il y a plein de solutions en fait pour continuer de s'éclater. Tu vois, on l'a noté sur le truc, mais il y a plein de gens sur le Discord qui disaient, bah, moi maintenant, je joue plus qu'en Nuzlocke, ça ouais. s'appelle, qui est on donc. On se met des défis personnels. On se met des défis. C'est pas des contraintes qui sont dans le jeu, c'est nous qui choisissons de nous mettre des contraintes. On va capturer que un Pokémon dans chaque zone. Quand on en chope un, on est obligé d'en libérer un autre. Enfin, il y a plein de contraintes et de restrictions. Encore une fois, ça me rappelle évidemment ce même tu vois, dilemme qu'on a quand on commence à trop jouer aux Souls, ouais. on commence à vouloir bah, s'enlever les petites roulettes pour savoir comment faire pour avoir un petit peu de challenge. Et je me dis, bah voilà, c'est, ils arrivent en fait à toucher comme ça un nouveau public à chaque nouvelle génération. Et en plus, comme il y a ce côté découverte, ben vous, ce qui pourrait paraître comme une répétition parce que c'est le 850e ouais, Pokémon, les gens découvrent pour des gamins, c'est des nouveaux. Donc leur starter, pour eux, ils sont trop choupis. En plus, c'est plus joli, c'est tout mignon. Moi, je sais que j'avais quand même. Quand je bossais à Micromania, je me suis dit, il faut pas que je meure idiot quand même, il faut que je teste. Donc j'avais lancé Pokémon noir ou blanc, un des deux, je sais plus. Et donc j'avais eu, c'était Vipelière, Moustillon et, et je sais plus comment il s'appelle le dernier. Je sais plus comment il s'appelle. C'est une Fleurisson. Marisson peut-être. C'est une espèce de petit singe, singe qui fait. Ah oui, c'est non. Non. Bref, peu importe. Et voilà, ils étaient tout mignons. Moi, j'avais mon petit Vipelière qui était trop beau. Et je le trouvais tout choupi. Et tu vois, je me dis, bah oui, c'est sympa, tu vois. Et après, tu vas dans le magasin et tu vois une peluche. Et tu te dis, ah, mais c'est trop bien. Si moi, j'avais des enfants, je lui aurais acheté ça, etc. Bref, voilà. Il y a tout un truc autour de Pokémon qui fait qu'effectivement, je comprends que ça puisse continuer de fonctionner encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, les jeux vidéo canoniques Pokémon, tels qu'on les connaît avec les couleurs ou les matériaux ou ce que vous voulez, c'est finalement que une fraction de ce qu'est vraiment le succès Pokémon. C'est un cinquième. Le parti business jeu vidéo, c'est un cinquième des revenus Pokémon. Voilà. Donc le reste, c'est quoi? Bah, c'est le merchandising, forcément. Exactement. Les produits dérivés. Il va y avoir les cartes Pokémon. Hein, bien sûr. Si vous allez sur Twitch. Qui ont repris. C'est fou. Parce que bon, nous, à notre époque, quand ça sort et tout, oui, c'est fort. Il y a eu un creux de la vague. Et là, je pense qu'avec le web 2.0, les influenceurs, les cotes, les machins, ça a repris. Voilà, David Lafarge, salut, tous ces gens-là. Enfin, voilà, ils ont remis ce truc. Et ouais, c'est ouf le nombre de gens sur Twitch. Enfin, je sais que même pendant les events, il y en avait qui ouvraient des cartes Pokémon, des machins. Enfin. C'est fou. Moi, franchement, je dois raconter cette anecdote. J'ai des gens, des menuisiers qui sont venus travailler chez moi et le mec qui me dit, ce mec qui a 45 ans, tu vois, je pense qu'il a jamais joué à Pokémon de sa vie, mais collectionner les cartes Pokémon. J'étais là, je dis, mais j'ai loupé, il y a un train que j'ai pas pris, tu vois, que j'ai pas compris. Mais ouais, c'est ouf. Ou mon buraliste qui me disait qu'il en cachait pour les garder pour les gamins du village, pour pas que ça soit les adultes qui les achètent. Donc je me suis dit, ok, très bien, pardon. Ouais, moi j'ai mon neveu de 9 ans, pareil, il m'a montré son petit classeur de cartes Pokémon et tout. Et lui, il est pas trop dans le game, c'est juste il les prend ce qui est joli, ce qu'il aime bien et tout. Mais il a des camarades qui connaissent un peu les codes et qui savent ce qui est rare ou pas et tout, parce que bah, avec Internet. Mais il y a cette chasse de la rareté de la carte Pokémon. Ouais. Donc ça, voilà, ça génère un bif assez monumental. Et puis il y a eu tout un tas de jeux, on l'a dit, il y a eu plein des spin-offs, ouais. des choses comme ça. Il y a les dessins animés, les films et tout. Il y a eu Pokémon Go. Ça a été une folie. Petite révolution quand c'est arrivé, c'était un vrai phénomène. Alors sachant que c'est Niantic qui l'a fait, donc c'est pas développé par Game Freak. Et Niantic avait déjà fait un jeu qui était Pokémon Alors, Go, j'ai oublié mais le sans nom, Pokémon et ça m'énerve Go, de pas avoir. Je me souviens c'était plus. C'était chez Google, je crois, si je dis pas. Mais c'était globalement la même chose. Ouais, c'est vraiment un jeu en réalité ils ont augmentée. Rajouté le skin Pokémon et là, c'était fou. Et là, il y a dû avoir dans leur DM, il y a Nintendo qui fait hey, ça Alors, vous dirait. Nintendo, soit ils arrivent dans des DM genre vous arrêtez tout de suite, oui, c'est ça. Maintenant, ou alors vous avez mis l'avocat au cul, ou alors. On va faire du business maintenant, vous et nous. Ouais, ils ont les bâtons ou la carotte. C'était fou quand même Pokémon Go quand c'est arrivé. Et c'est vrai que ça. Écoute, moi à l'époque, ça donc j'étais. Encore aujourd'hui, hein, on peut le dire. Il y a encore des gens qui. Bah oui, bien sûr. Et ça marche encore très bien. Bah, ils ont parfaitement. Ils ont beaucoup géré justement le confinement et toute la gestion autour de la pandémie. Ils ont augmenté les aires autour des arènes Pokémon, etc. Et des Pokéstops pour que les gens puissent continuer de jouer chez eux. D'ailleurs, quand les gens ont pu ressortir et qu'ils ont voulu remettre les règles normales, ils ont un peu râlé en disant bah non, finalement, on était bien chez nous. C'était bien Pokémon Go, là, sans sortir Pokémon chez Go soi. Dans le canapé. Y aurait pas des Pokémon sur des vraies consoles où on pourrait... Et mais c'était fou parce que tu vois, bon, à l'époque, moi, quand Pokémon Go sort, donc j'étais avec quelqu'un qui avait une petite fille, et donc elle, je lui avais fait jouer, je lui avais installé sur mon téléphone, et on s'est retrouvé au parc de l'Orangerie à Strasbourg. Aussi, je me souviens, j'étais avec les gosses un dimanche, mais il y avait des centaines et tout le monde capturait. Tout le monde était avec les Pokémon et t'en parlais, et tu voyais les adultes, on était tous là à regarder les gamins ou avec d'autres gamins qui regardaient leurs adultes. Parce que c'était vraiment ouf quoi, de voir, il y avait un engouement pour ce truc là, c'était incroyable. Et surtout que ça s'était pas mal amélioré, parce que moi au moment où j'ai joué, il y avait pas trop le côté chasse, c'était pas encore très bien fait, c'était juste un peu random, tu tombais sur des Pokémon comme ça, et après ça s'est vachement amélioré, oui, tu pouvais pister vraiment les Pokémon que tu cherchais, c'était vraiment beaucoup mieux. Je me souviens même à l'époque, j'avais fait un gros tweet de boomer, genre ouais, c'était mieux sur les consoles et compagnie, mais ils ont amélioré, et ouais, le jeu a vraiment gagné en complexité. Ils ont développé des partenariats avec je sais pas, des entreprises, peut-être des McDo ou quoi, qui deviennent, moi je connais très ouais, mal Pokémon c'est Go, vrai mais... que ça te donnait des trucs, des lieux où tu pouvais choper des voilà tel ou tel parce objet que, normalement au départ c'était des lieux historiques, tu vois, moi j'avais trouvé ça cool parce qu'on s'était fait une grosse balade de Strasbourg, j'ai découvert plein de coins que je connaissais pas, du vieux centre, de la petite France, etc., d'un endroit très sympa, et bah évidemment au bout d'un moment tu te dis tu peux faire du bif de ouf avec ça quoi, tu vois, si ton Starbucks ou ton restaurant c'est devenu un Pokéstop, enfin du jour au lendemain t'as 400 personnes dedans quoi. Donc forcément voilà, c'est vrai que ça a eu vraiment son importance, et puis là aussi ça a et encore aujourd'hui voilà, on le répète, Pokémon Go, c'est vrai que c'est, il y a toujours cette espèce de biais de comme c'est pas présent dans les médias, on en parle plus, on s'imagine que ça marche pas, c'est faux, ça cartonne toujours autant. Il est mort comme Fortnite et PUBG c'est ça exactement. Et puis pour revenir peut-être plus au jeu un peu plus traditionnel, on va dire, c'est vrai que là il y a une nouvelle promesse qui arrive, c'est Pokémon Arceus, donc qui sera un spin-off en monde ouvert. Voilà, c'est enfin le Pokémon qui rentre sur Unreal Engine, qui rencontre Breath of the Wild, enfin bref, c'est le jeu qui semble vouloir concrétiser enfin ce vieux fantasme de joueur Pokémon, parce que il faut le dire, c'était quand même des jeux qui étaient sur portable Pokémon, donc on était sur des graphismes qui n'étaient pas du tout ceux de la 3D, enfin t'avais Ocarina of Time, des trucs comme ça qui étaient sortis, et c'est vrai que je pense que beaucoup de joueurs de Pokémon ou de joueuses dont je faisais partie, on se disait waouh, qu'est-ce que ça donnerait un Pokémon en 3D comme ça, avec vraiment une reconstruction des régions et tout. Mais ça pourrait marcher, ça, parce que genre on est d'accord que genre tu parlais de Léviator, il est pas censé faire 40 mètres de haut ce machin? Ça a toujours été en vrai, il fait pas 40 mètres, mais il est plus grand que toi en fait, dans les descriptions de Pokémon, ça a toujours fait un peu, alors pas débat, mais ça nuit vachement à la cohérence du truc, parce qu'effectivement t'as des Pokémon qui pèsent je sais pas combien de centaines de kilos, t'en as, c'est genre je sais plus, c'est Magma ou un autre, enfin tu sais, il y a un truc genre, si tu te rapproches à 100 mètres t'es censé fondre et tout, parce qu'il y a des laves trop incandescentes, oui voilà, enfin tu vois, ils ont écrit des stats dans ta poche, tu vois. Oui voilà, c'est ça, donc t'as des stats, enfin des descriptions qui sont un peu pétées, donc effectivement en termes de cohérence peut-être qu'il y aura une sélection, je sais pas, par exemple dans Pokémon Snap comment c'est fait, c'est la vraie taille, après ils vivent dans leur truc, Marie dans une caverne ou tout ça, mais ça... du coup voilà, il y aura peut-être une recherche de cohérence de trucs, ou effectivement peut-être pas mettre les trucs qui se tuent, non mais c'est vrai que souvent on avait le fantasme d'imaginer que je sais pas, t'avais ton Tortank qui était modélisé, tu pouvais surfer sur lui et t'allais combattre de loin, enfin bref, il y a plein de choses qu'on imaginait et qu'on fantasmait, et je pense que ce Pokémon, donc Arceus, va et supposé répondre, alors moi j'y crois zéro, je vous le dis direct, mais c'est vrai que c'est le, je pense, le dernier souffle que je peux éventuellement, le petit espoir, tu vois, que la série peut-être se transforme, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait demander, de dire est-ce que la série mérite de changer, de casser un petit peu cette structure. C'est vrai que d'un point de vue commercial elle va très bien, d'un point de vue créatif on sent qu'il y a quand même une espèce de, tu vois, on sent que ça patine un petit peu, parce qu'on est sur de la reprise de reprise de reprise. Pokémon remakes, Go, Evoli et Go Pikachu, c'est des remakes de remakes du 1, etc. Pokémon Go, ça a ouvert la voie à toute une nouvelle approche qui est très différente et qui est, tu vois, qui je trouve est presque plus cohérente en fait avec l'univers de Pokémon. L'idée de sortir de chez soi pour aller attraper des Pokémon, c'est ce que tu fais dans le jeu. Ça marche très bien. Donc je trouve ça génial en termes d'imaginaire, ce que ça provoque, etc. Donc tu te dis, effectivement, la série peut-être qu'elle a besoin de se renouveler, parce qu'en plus, là, je sais plus à combien on a dit, on est à 1000 Pokémon, un truc comme ça. Ouais, 900. On a, c'est vrai que 900, on en a pas parlé, mais c'est vrai que. Faut les connaître, les 900. Et puis là, on parlait dans la préparation. Avec ton poster, le poster dans ta chambre, vous avez les 150 fresques. C'est une fresque, elle prend tout un mur. Tu sais, c'est la chapelle Sixtine, t'as le plafond où c'est les Pokémon. Mais en plus, Pokémon. Maintenant, il y a des formes, enfin, c'est vrai que bon, voilà, team méga boomer, mais franchement, quand j'ai vu les trousselins, des trucs comme ça, genre, c'est des porte-clés, les topiqueurs avec des cheveux, j'étais là, attendez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de faire vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, c'est vrai que, non, mais c'est compliqué, enfin, bah, créativement, oui, c'est un vrai challenge quand même, déjà, même pour certains, 150, et après, c'était fini. Non, moi, je l'ai dit, en fait, moi, j'avais joué, d'ailleurs, j'ai pas joué à Argent, j'avais joué à Crystal, mais quand j'avais fait Crystal, c'est 250 et j'ai fait c'est bon, moi ça me va, je sature en fait. C'est à dire que s'il y en a encore plus 100 de plus dans l'autre, moi en fait j'ai arrêté du coup. À Crystal, ça m'allait quoi. Bah, disons que l'idée de tous les collectionner, ça ne fait que rajouter et cette espèce de surenchère, forcément ça a une limite au bout d'un moment. Ouais. Là, je vais prendre un autre exemple de Magic, les cartes Magic par exemple, ils se sont retrouvés face à cette situation là au bout d'un moment, on se dire qu'est-ce qu'on fait avec nos cartes. Donc on va en supprimer plein. Il y a plein de cartes qui sont interdites en tournoi et des cartes qui sont plus jamais imprimées. Enfin, on est obligé de trouver une solution parce que c'est des modèles économiques qui ont une limite. Donc là, je pense que Pokémon, ils ont besoin d'une certaine manière. C'est le cas. Hein. Il me semble que dans les nouvelles versions, il n'y a pas les 900 Pokémon. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas, ils en squeeze certains. Tu ne peux pas tous les trouver dès le début. Il n'y a que la première zone et après, éventuellement, ils sont intégrés. Ils existent dans le jeu, mais genre, on ne peut que te les échanger. Il faut que tu les aies récupérés. Enfin bref, ils ont fait des choses parce que de toute façon, ça marche plus en termes d'équilibrage et de trucs, ça c'est très très très compliqué je pense. Ou alors ce qu'ils font c'est 200 Pokémon mais il y a 8 versions différentes qu'il faut acheter. Maintenant c'est ça aussi, hein. Il y a plein de Pokémon de versions, des évolutions spéciales, des machins, ils ont fait aussi les méga évolutions, les Pokémon Dynamax, les trucs, enfin c'est vrai que... Ouais. Je voulais dire des versions des jeux, genre t'as pas que épée bouclier, épée bouclier, gourdin, lance... Mais c'est pareil, Evoli, il y en a 40, je crois. Enfin, je sais pas combien. Il y en aura une petite dizaine, à mon avis, d'évolution. D'Evoli, c'est possible. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une licence qui continue à faire son chemin. Mais c'était cool, en fait, de faire cet épisode. Alors, déjà, c'était cool de parler de Pokémon dans fin du game. Mais c'était vraiment intéressant, je trouve, de se replonger dans le design de l'époque et de faire ce constat, de se dire, en fait, il y a tellement de choses qu'on a apprises qui nous paraissent naturelles, de voir que quelqu'un qui découvre aujourd'hui de toutes ces petites aberrations, enfin, pas d'aberrations, mais de cette opacité du système de jeu qui était claire aussi pour nous parce qu'on regardait le dessin animé, on avait les cartes. Vous aviez les copains à l'école, il y avait les bouquins, tu vois, chez le buraliste. Moi, je me souviens très bien que moi, quand je m'achetais les joysticks et tout, du jour au lendemain, il y avait plein de magazines Pokémon, quoi. Et du coup, avec marqué en gros toutes les solutions, Mewtwo, trouver Mew, ceci, trouver cela. Enfin, tu vois, vraiment, il y a eu un engouement. Là, on est dans le cas du phénomène social. Pour moi, Pokémon, c'est un des premiers gros, gros phénomène jeux vidéo qui brise les limites et qui touche un public énorme. Ouais, et quand ça fait partie de tes premiers jeux, c'est moins dérangeant d'explorer partout. Comme on l'a dit, de toute façon, faut parler à tout le monde, déjà rien que ça. Oui, il y a plus ou moins de patience en fonction de ton passif, quoi. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a 46 millions de jeux qui sortent toutes les secondes. Non, non. Les gamins, ils ont accès à des jeux sur les téléphones des parents ou sur leur propre téléphone. Enfin, forcément, on est obligé de revoir un petit peu comment on envisage nos jeux et comment on envisage la gestion du temps. Donc c'est pas quelque chose de négatif de lisser cette expérience-là. Mieux ou moins bien. Non. C'est juste que il faut s'adapter avec son temps et son public, quoi. Et pourtant, les dernières versions qu'on renouait avec des très très beaux scores, plus de 20 millions. Aussi, mais bon, faut dire que c'est la Switch et la Switch c'est cheaté. Tous les jeux, toutes les licences, ils font leur meilleur score sur Switch. Voilà, c'est les Zelda, c'est vrai pour Animal Crossing, même j'en Metroid, parle même pas. C'est vendu Metroid, Metroid Dread, il est en train de péter tous les scores. Alors que c'est Mario Kart, c'est débile aussi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, évidemment, Pokémon sur Switch. De toute façon, pour moi, c'était aussi ça le truc de la Switch. Sa force, c'était de se dire, il va avoir une console et dessus, il va avoir le gros Zelda et le gros Pokémon. On rentre le meilleur des deux mondes et on envoie l'artillerie lourde. Et tu dis en fait c'est toujours le même rouleau compresseur. Et là, quand c'est sorti, tous les remakes, là, tous les streamers, ils étaient dessus avec des milliers de gens qui suivaient. Enfin bref, ça fait partie du paysage vidéoludique. C'est un menhir dans le truc, tu vois, genre, c'est posé, ça bouge pas, tu vois. En vrai, juste pour parler sur le côté streamer et tout, c'est qu'ils ont vraiment rajouté le côté collectionnite avec tout ce qui est shiny et compagnie. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a vraiment, en plus, il y a vraiment cette culture du regarder des gens Bogart, qui cherche toujours des shiny. Mais oui, mais il y a cette culture de regarder des gens jouer au casino, tu sais, c'était ouvrir les boosters, en fait c'est tous les boosters en physique, après tu joues au jeu et tu te filmes en train de chercher des shiny, quoi. Non, c'est vrai que voilà, ça ne ça ça ne s'est pas stoppé et c'est bien qu'on ait pu en parler dans cette émission. On a fait le tour, je sais pas si on peut vraiment faire le tour de Pokémon, mais en tout cas voilà, c'était cool. Moi je suis très content d'avoir pu en parler, qu'on ait fait un peu le truc, content aussi d'avoir pu mettre Benoît sur le Je suis content d'avoir découvert, j'ai passé un bon moment, tu vois, c'est coché. Maintenant il y a, du coup je me sentais quand même vraiment très has-been en lisant les conversations dans le Discord et tout, parce que quand les gens ils commencent à name drop des listes de noms avec les attaques et tout, t'es là genre ok, je pense qu'en fait les gens quand ils m'entendent parler de Pass of Exile ou Dark Souls, tu vois, c'est un peu ça qu'ils ressentent. Donc ça m'a permis c'est un vrai jeu à wiki comme tu le dis, mais il y a vraiment ce côté là et c'était vraiment cool, donc voilà, j'étais content d'avoir découvert Pokémon grâce à Fin du Game. Merci Fin du Game, merci également Third Edition, donc le livre Génération Pokémon, plus de 20 ans d'évolution, c'est un de leurs, c'est un des bouquins qui a, un du début, hein, donc c'est un bouquin peut-être que vous avez déjà, mais voilà, si vous êtes Pokéfan et que vous n'êtes pas rassasié après cet épisode, ce qui est possible parce qu'on sait que l'appétit du Pokéfan est vaste et grand, vous êtes un peu des ronflex en fait de la Pokémania, vous pouvez découvrir ce livre. N'oubliez pas également de nous soutenir sur Patreon. On vient de passer les 600 patriotes. Ça y est ? Oui. Waouh. Mais ce n'est pas assez. Il faut toujours. Il faut autant que de Pokémon. Voilà, exactement. C'est... Ouais, mais ouais, oui, bah exactement, c'est pareil. Ah bah du coup, ce serait bien qu'ils en rajoutent encore pas mal. donc, je le rappelle qu'on se retrouvera le jeudi 16 décembre en live. On vous donnera tous les liens sur Discord, sur Twitter. Et puis, il y a un dernier épisode qui va clôturer cette année de FDG. C'est quoi ? C'est la nuit. On va changer un peu d'ambiance. Merci de nous avoir écoutés. À dans deux semaines. Salut. Ciao.